CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan de cette semaine à Assemblage Rookie. Tania nous donnera faim et soif en essayant de ne pas détruire nos beaux beach bodies. Et David Ferron nous fera un fantastique voyage dans le temps, oui, avec le directeur artistique de Merlin, l'origine d'une légende. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie pour la semaine du 7 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania Bourdin. Hey, ça va bien. Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. OK, donc j'essaie de voir si ta phrase voulait dire « Hey, ça va bien », comme dans genre toi-même, tu disais « Hey, je vais bien », mais là, c'était une question envers moi. Oui, ça va-tu bien, Mathieu? Oui, ça va très bien, merci. C'est la semaine entre deux grands prix pour toi, je pense. Oui. Donc c'est très, très épuisant. T'es rush, là, il se passe plein d'affaires en même temps. Oui, exactement, parce que comme tout le monde le sait, tous ceux qui sont nos fidèles auditeurs, bien, on diffuse le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Donc, ça amène une certaine préparation autour de tout ça. Ça amène une certaine organisation autour de tout ça. C'est un petit défi. Alors, exactement. Et mais au moins, t'animes pas le Grand Prix. Non, exact. L'année dernière, là, deux ans aussi, c'est chose que l'on faisait. Une petite touche de trop pour toi, peut-être. Oui, c'est ça. L'année dernière, toi et moi, on le fait tous les matins en direct du studio là-bas. Mais là, non, cette année, malheureusement, je pense que Tania, elle avait vraiment pas le temps de pouvoir faire ça. Mathieu non plus, je te dirais. C'est ça. Ouais, on est pas mal occupés. Mais c'est comme ça, on est au moins là, on prend le temps comme si c'était vraiment genre... super ardu pour nous de venir vous parler à vous à la radio. Mais non, ça, on adore ça. Oui, mais on prend un petit 3 heures par semaine pour le faire, c'est pas mal ça. Oui. Le reste, prends le bord. Non, pas vraiment. Non. Mais non. Non. Okay. Franchement. Donc aujourd'hui, l'émission, Tania, ça va être quand même le fun, même si tu vas passer seulement 2/3 avec nous. Le dernier tiers, tu seras pas là. Non, je m'en vais au grand... Oui, le Grand Prix, ça mais oui, exactement. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, diffusion du Grand Prix, donc ça amène à un certain point des moments où on doit s'absenter de la station puis aller porter des choses. Mettons que le jeudi après-midi, c'est pas mal un prime time pour aller porter des choses chez les gens. Hein? Surtout quand on est en diffusion le lendemain matin. Et voilà. On va voir par contre, pour te remplacer un petit peu, David Ferron. Oui. Hein? Qui va venir nous faire une petite chronique, une entrevue téléphonique avec le directeur artistique de Merlin, l'origine d'une légende. Ça va se passer en 2e heure. En 3e heure, on va goûter ensemble avec David Ferron à quelque chose dans une grosse pointe à l'adresse. C'est un produit que je réserve dans mon tiroir et que j'ai bien hâte de savoir ce que David pense que c'est. Oh, hein? J'ai hâte de savoir. Et après ça, une fois qu'il saura ce que c'est, s'il sait ce que c'est, quand il pense qu'il sait qui c'est. Mais qu'il sait pas. Mais qu'il sait pas qu'il pense qu'il sait. Pour le moment, il sait pas du tout. C'est ça, c'est la confusion totale. On va aussi faire nos chroniques maison. On va commencer dans quelques minutes avec Sex, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais commençons avec une pièce de Amor Blitz, une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est super bon. Voici La Transcendance, tout de suite à Assemblage Rookie. Dog. C'était Amor Blitz, c'est la transcendance à Assemblage Requis. C'est bon, c'est rythmé, on aime ça. Ouais. Oui, c'est excellent. C'est ce que je disais. Donc, non, c'est le fun que ça. Qu'on répète les mêmes choses l'un oui, l'autre, là. Ben oui. Hein? Ah, ça. Mathieu. Non, c'est ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. On a tellement de plaisir à s'acheter des choses une fois que le budget rentre, une fois que la paye est rentrée. Je pense qu'on est jeudi pour certains qui nous écoutent, donc c'est sûrement le jour de paye pour quelqu'un. Donc commençons avec Philips Sonicare. On parle de brosse à dents pour commencer. Une nouvelle brosse à dents intelligente connectée via iPhone. Évidemment. On pouvait pas s'attendre à autre chose. Ouais. Il y avait déjà une brosse à dents Bluetooth. Qui existait. Là, maintenant, on a le Sonicare, la Sonicare FlexCare Platinum. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est l'ancien modèle. La nouvelle, c'est la Sonicare Diamond Clean Smart Sonic Toothbrush avec toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans des brosses à dents intelligentes, dont le coachage de brossage de dents, bien sûr. Connectivité avec votre téléphone cellulaire et une tête, une brossette avec rechargement par induction dans un verre qui est inclus avec l'ensemble. Donc, t'achètes l'ensemble et t'as un verre de vitre, tu sais, pour te rincer la bouche. Oui. Mais quand tu mets ta brosse à dents dedans, ça recharge ta brosse à dents par le verre, par induction. Ah, oh, ouais. C'est incroyable, hein? C'est un peu bizarre. On dirait que je me dis qu'automatiquement, s'il y a de l'eau dessus, ça fonctionnerait plus. Ben, c'est ça. Les chocs électriques, quelque chose comme ça, parce que ma brosse à dents que j'ai est rechargeable sur une petite base. Là. C'est ça. Mais y a pas de. Tu vois pas de circuit ou rien, ou tu sais, de trucs de métal ou ça rien. Ça m'intrigue. En tout cas, c'est, ça fait un petit peu peur. Bref, une variété de sensors dans cet appareil-là qui guide l'utilisateur, bien sûr, dans sa routine de brossage, avec des commentaires en temps réel via l'application iPhone ou Android. Et ça garde aussi les données à travers le temps dans l'application pour savoir, tu sais, ah oui, il y a 3 semaines et demie, je me suis brossé les dents, combien de temps? C'est des choses utiles comme ça. Ah oui. L'application vous donne aussi une map en 3D de votre bouche. Je veux voir ça, moi. Je pense pas avoir envie de voir ça. Donc, ça vous montre des endroits problématiques que vous avez peut-être manqué pendant votre brossage. Si tu as peut-être tendance à moins laver, c'est qu'ils sont complètement au fond, je sais pas. Ainsi que des problèmes potentiels comme les saignements et les caries. Le nouveau système de brosse prévoit aussi faire que choisir un mode va être plus facile qu'avec les autres brosses à dents FlexCare Platinum du passé. Il y a une micro-puce dans la brossette. Donc, lorsque l'utilisateur met une des nouvelles brossettes sur la brosse à dents, et que ce soit bon contrôle de la plaque, soin des gencives, blanchissage, blanchiment, ou bonne haleine, il y a différentes brossettes comme ça. Donc la Diamond Clean va automatiquement choisir la meilleure routine pour la brossette choisie. Ça va aussi vous dire le temps que tu vas devoir te brosser les dents et la pression que tu dois effectuer aussi. Et ça te dit quand ça va être le moment de remplacer ta brossette. Wow! Comme je disais, pour recharger votre brosse à dents, Philips inclut un verre de chargement par induction, qui est aussi un verre pour se rincer la bouche, la base du verre. T'imagines, tu connectes ton verre dans le mur. Je suis pas sûre, je triperais honnêtement à boire là-dedans. Tu sais, quand tu étais jeune, là, pis tu tripais à mettre un bout de batterie sur la langue, ouais. Je sais pas si toi tu faisais ça, ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça que ça ferait, mais à la grandeur de la bouche. Les batteries carrées, hein? Oui. Ah, c'était le fun. Un petit buzz, ça. C'était vraiment... On devrait tous se réveiller comme ça le matin avec un petit buzz de batterie. C'est merveilleux comme réveil matin. Donc, on peut, comme je disais, recharger la brosse à dents. On peut sinon le faire avec un câble USB. Une charge complète via peu importe quelle option va vous donner jusqu'à 2 semaines de pile pour la brosse à dents. Philips Sonicare Diamond Clean Smart Toothbrush en blanc, en noir, en rose ou en argent à partir de 230$ avec 2 brossettes, ce qui monte à 270$ avec 3 brossettes et 329$ pour l'ensemble complet de 4 brossettes. C'est sur Amazon et via Philips Sonicare. J'en reviens pas que les gens paient autant pour une brosse à dents. C'est... démentiel. La mienne fait les mêmes choses presque, sauf l'induction, sauf le verre, sauf l'USB, sauf... En tout cas, mais ça coûte comme 25$. Ouais. Tu sais, c'est la même c'est qualité. C'est tellement différent. Hein? Même qualité. Bref. Ensuite, on... Color de Cheetos. Un bronzeur par Cheetos. As-tu entendu parler de ça? Non. Pour avoir un tan à la Donald Trump. Le Cheetos Bronzer Makeup qui peut être appliqué avec une brosse. Je sais pas si c'est une brosse à dents qu'on utilise pour appliquer ça. Pour vous mettre une petite brillance radieuse aussi belle que le soleil. Color de Cheetos, 17,50$. C'est sérieux? ça existe, mais ça devrait répondre là. Hein? Ouais, c'est sur le CheetosStore.com. Je l'ai pas, puis je l'achèterai pas. Ensuite, ah ben, miam, miam, miam, miam. Est-ce que t'es une fanatique de lait au chocolat ou de chocolat chaud? Lorsque c'est l'hiver, oui, quand même assez. Ouais. Ouais. J'avoue qu'on en boit moins l'été. Ouais. Mais non, je suis pas capable l'été. On se fait des cafés glacés fréquemment, mais on pense pas à se faire des chocolats chauds refroidis. C'est vrai, hein? Qu'on appelle aussi communément un quick. À la base, tu peux juste... C'est assez rare. C'est rare. Bref, vous pouvez savourer votre chocolat chaud quand l'envie vous prend en utilisant ce chocolat chaud sur une cuillère. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est tremper cet ustensile en forme de popsicle, si on veut, c'est comme un bâton de popsicle, aussi appelé communément, ça ressemble à une cuillère, pas mal. Et on trempe ça dans du lait chaud ou de l'eau, et le cube de chocolat va commencer à fondre pour faire un délice épais et savoureux. Oh. C'est comme prendre du Bovril. Oui, la même chose. C'est la même affaire. C'est du concentré. De chocolat. Exactement. Il n'y a rien de meilleur que se concentrer sur le chocolat. Hey boy. Focus. Ensuite de ça, en passant, c'est 20$ canadiens pour ceux que ça peut intéresser. Ensuite, rien ne fait qu'on peut s'exprimer plus. Ouais, s'exprimer mal dans mon cas. Bref, on va créer son propre étui de téléphone cellulaire en utilisant ce iPhone Case Maker qui inclut donc un punch et un étui en polycarbonate avec d'eau transparent pour pouvoir insérer vos propres dessins photos dessus. Ah, donc, tu vois, ça j'aime. T'aimes ça? Ouais. Je pensais t'allais dire c'est vraiment cheesy. Là. Tu sais, tu pourrais avoir une photo de mariage ou... Ouais, mais tu sais, ça dépend de ce que tu mets dessus. Ben, sois pas ça. Cheesy. Sois pas... Ah, c'est bien dit, ça. Comment? Don't be cheesy. Exactement. C'est 75... Pourquoi 75$ pour ça, donc? Ouh, c'est un bout de plastique. Oui! Non, là, j'adhère plus, finalement. Non, j'adhère pas non plus. Ensuite, on y va avec une couverture. Elle fonctionne à pile. Pourquoi est-ce qu'une couverture devrait fonctionner à pile? Elle est chauffante. Elle est chauffante, bien sûr, pour rester bien au chaud. Et lorsque les soirées d'été se font plus froides, comme au mois d'août, mettons, ça peut arriver. Ou comme hier soir. C'était frisqué. Ouais, un peu, hein. Donc, c'est une couverture qui fonctionne par pile. C'est portatif, résistant à l'eau, lavable à la machine. Mais qu'est-ce que ça fait pas? Légère, en plus, ça se réchauffe en quelques secondes et ça peut être utilisé comme source de courant pour vos appareils électroniques. Génial, pour 330$. Mm-hmm. À canadien. Ensuite, un attachement pour vos hoverboards. Est-ce que tu as déjà essayé de faire de l'hoverboard? Tu sais, ça c'est comme un Segway, comme les deux roues avec un petit... Écoute, j'ai jamais essayé parce que je crois que mon niveau de balance et d'équilibre serait peut-être pas le meilleur pour pouvoir arriver à rester dessus. C'est un peu la même chose que je me disais. Mais si tu veux y aller paresseusement et que tu, justement, manques d'équilibre... Oui. Tu pourrais t'acheter cet attachement qui va après un hoverboard, donc pour pouvoir y installer une chaise. Une chaise comme de jardin. Mon Dieu. Sur le petit... ça ressemble un petit peu, je dirais, à... pas un chariot, un petit peu un chariot. Si on veut, c'est des chariots de transport, de boîte ou de peu importe. Là. Donc, qui s'attache après le milieu de ton mini Segway hoverboard et tu t'assois dessus, tu mets les pieds sur le hoverboard et le contrôle de tes pieds va faire avancer et reculer, pareil comme le vrai hoverboard. Donc, transformez votre hoverboard en balade à quatre roues confortable avec cet attachement au centre de votre hoverboard pour 145$ canadiens. Ouais. Ouais. Ensuite, as-tu déjà rêvé, Tania, de faire ta propre sauce piquante? Pas vraiment, parce que je suis pas une personne qui mange de façon extrêmement épicée. Non. Mais je me suis toujours demandé comment c'était fait. Comment? Ben, tu vas pouvoir l'apprendre toi-même. Ah oui? En allant beaucoup trop loin dans ton processus de c'est curiosité. Ça. Tu vas pouvoir donner à tes repas une petite twist de chaleur avec ta propre sauce personnalisée piquante. Donc, c'est un kit de do-it-yourself qui vient avec tout ce qui est nécessaire pour produire 6 petites bouteilles de votre propre mélange de sauce piquante pour 50$. Ça vient avec, tu sais, comment on appelle ça? Ce mot-là, j'ai tout le temps de la misère. Le cône, le cylindre, le truc qui... L'entonnoir. C'est si simple, hein, quand tu y penses. C'est comme bouclier et entonnoir, deux mots que j'ai bien de la misère. Bouclier, donc, t'as de la misère? Ouais, shield, j'ai tout le temps de la misère à trouver le mot en français. Ah. Sauce chipotlée, sauce du jardin, sauce piquante, tout ça pour 50$. Ensuite, tu sais, on dit des fois sac banane. Non merci. Non merci pour le sac banane. Non, moi, si je rencontre un gars et il possède un sac banane, il vient de perdre toutes ses chances. Toute l'estime que tu peux avoir. Toute l'estime que je peux avoir pour lui, là, ça se termine là. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Est-ce que, bon, un sac bandoulière, un sac messager, est-ce que t'aimes ça? Si tu dors avec tes bas. Tu dors avec tes bas, ok. Hein? Ouais. Qui dort avec ses bas? Je connais beaucoup de gens. On le salue. C'est ça? On salue un vieil ami qui dormait avec ses bas. Ah ben. Ouais. Ah. Il avait froid aux pieds. Ben, ça arrive. Il y a réussi à une couverture chauffante. Je suis désolée, je refuse. Ça ne passe pas. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ah, c'était ce genre d'amis-là. C'est vrai. Bref, est-ce que tu le jugerais s'il avait un portefeuille dans son cou? Probablement, ouais. Sûrement. On appelle ça une portal shirt pocket. C'est comme une poche sur une chemise ou sur un chandail comme j'ai en ce moment qui sert à jamais à rien, mais qui est portative dans ton cou. Donc, tu pourrais garder ton crayon, je sais pas, cellulaire, un petit carnet de notes, quelques cartes. Peu importe là, ce que vous voulez. Mais pourquoi dans ton cou? Ben, parce que tu peux le mettre en genre de... comme ouais, un collier. Mais non. Non, avec ta carte d'identité devant pour faire... Non, vraiment c'est pas. C'est pire que le sac à bordouillage, le sac banane. C'est la pire affaire, je pense. Bref, tu peux le personnaliser, tout ça, et apparemment que c'est bien confortable, mais sérieusement, si vous achetez ça, on vous juge. Désolé. Vraiment. Vraiment. Ensuite, on peut se commander un Pride sur Amazon au Japon. Okay. C'est le New York Times qui nous dit ça, en tout cas dans les dernières semaines. C'est un système de livraison de prêtres dans une communauté bouddhiste. Le service s'appelle Obasan Bin pour livraison de prêtres. Ça fonctionne via Amazon. Ça offre plusieurs niveaux, plusieurs paliers d'enterrement religieux pour les bouddhistes qui ne vivent pas près d'un temple. On dit qu'un un service normal à la maison coûte 336$ ou vous pouvez payer le double, presque 624$ pour un service dans un cimetière et un enterrement officiel. Voilà, donc c'est ça. Le programme a été existe depuis 2009 en fait. C'est Minrevi Company et puis ça a grandi depuis ce temps-là. Ça attire plein de gens. Eh ben, pourquoi pas? Ensuite, Betty, ah ça c'est vraiment cool, c'est un appareil qui va sur le, sur le côté de votre petite, petite commode là, qu'on a dans la chambre à coucher. Hein? Mm-hmm. Donc ça met un appareil que tu aurais à côté de ton lit et ça intègre une alarme et ça intègre une place pour mettre ton iPhone. Donc c'est trois catégories de produits, charger ton téléphone, haut-parleur Bluetooth et lumière pour te réveiller, tout ça dans un même produit, BEDDI. Donc c'est ça peut être complètement on dit que tu peux même choisir la luminosité de ta lumière pour te réveiller. Il y a deux ports USB, un qui est plus plus puissant que l'autre. C'est un haut-parleur Bluetooth comme j'ai dit, donc pour pouvoir écouter de la musique pour s'endormir ou même écouter de la musique pour se réveiller. Et les lumières, parlons-en, ça il y a une intégration avec Spotify ou encore la radio. Ça s'intègre aussi avec YouNest et même Uber en utilisant un ensemble de trois boutons intelligents. Donc ce sera pas super au poil, mais quand même, ça va être mieux que rien. Et puis on dit que ça, la lumière va pas être comparable à un modèle qui fait que ça, comme les Philips, là où tu peux avoir un genre de lever de soleil simulé. Mais ça fait quelque chose de similaire à ça. Donc c'est un appareil qui va à côté de votre lit. Profitez-en, il y a une petite vidéo de démonstration si ça vous intéresse. Le Belly, BEDDI, c'est sur Amazon. Ensuite, quand tu te promènes en vélo ou peu importe ton autre moyen de transport, en patin à roues alignées, t'aimerais ça vraiment avoir un bon petit look. Là. Tu veux pas avoir un casque plate, là, fluorescent ou je sais pas quoi. Là, pour. Tu sais, les casques là, plates là, quand t'étais enfant. Tu sais, poche. Hein? Ceux-là, là, qui étaient. Tu sais, ils étaient pas super robustes, là, c'était juste comme du styromousse, oui. Là, vraiment. Compacté. C'est ça, ouais. Mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que de se faire une commotion cérébrale, hein? En effet, c'est sûr. De l'autre côté, tu pourrais aussi t'acheter des casques super vraiment beaux, là, tu sais, tout minces, tout noirs, là, qui look vraiment, qui ont l'air science-fiction un petit peu, sont super beaux ces casques-là. Ou encore, tu pourrais y aller dans une autre direction complètement, en imitant un bonhomme Lego, avec un casque de vélo qui ressemble à des cheveux de bonhomme Lego. Oh mon Dieu! Un Lego Minifig Hair Inspired Bicycle Helmet créé par une agence créative européenne, DDB, pourrait exciter les enfants sur la sécurité à vélo. Et je suis pas sûr que ça les excite. Non, je suis pas certaine non plus. Mais bon, c'est un début, au moins. On reste dans le domaine des vélos avec un vélo qui est fait. Tu sais, t'as sûrement déjà vu souvent, même peut-être, les gens se promener à vélo qui sont comme couchés sur le dos. Oui, sur les pédales. Oui. Bon. Il y en a certains à Trois-Rivières qui font ça. Absolument. Il y en a aussi qui sont pas aussi. Ben oui. C'est pas juste les gens qui veulent en faire, c'est aussi les gens qui sont peut-être handicapés, qui peuvent pas avoir l'utilisation de leurs jambes, donc vont pédaler avec leurs mains, des trucs comme ça. Maintenant, on inverse ça et on a un vélo qui est fait pour se promener dessus à plat ventre. Hein? Ça s'appelle... J'ai déjà vu ça. Ah oui? À Montréal. Ah, ben Montréal, hein. Qu'est-ce qui n'existe pas à Montréal? Ah oui. Donc, ça s'appelle le Bird of Prey. Ça vaut 8 500$. C'est un vélo qui est fait pour se promener presque à plat ventre, pas complètement. Ça améliore l'aérodynamique. Évidemment, comme le précise l'article, ça améliore vos accidents lorsque vous foncez tête première dans quelque chose. Mais oui, c'est ça, c'est un peu dangereux, par exemple. Ouais. Donc on se penche complètement par en avant, avec les jambes à l'arrière, comme si on volait dans les airs, c'est un super-héros. Les hanches et les épaules sont complètement soutenues par des pads en cuir. C'est une création de l'architecte californien John Aldridge. Il travaille là-dessus depuis 1991 et c'est seulement maintenant que ça commence à être produit. Wow. Un peu bizarre, on dit que ça a des avantages. Ça augmente l'agilité avec un plus faible, ton centre de gravité est plus bas que la normale quand t'es à plat ventre apparemment. Donc profil aérodynamique, meilleure production de force par ton corps. Voilà, donc allez voir ça, c'est vraiment étrange comme position. Vraiment. Je sais pas, tu sais, on voit des fois des vidéos sur YouTube de gens qui copulent sur leur moto. Hein. Oui. On dirait qu'elle fait mettre seule son vélo. C'est vrai. T'sais. Ensuite, une pince à cheveux pour mieux entendre. À chaque Mais oui, semaine, parce que clairement, t'as besoin d'une pince à cheveux pour mieux entendre. Ben, tu sais, hein? Enfin, tu l'attendais depuis longtemps. Ben oui. Là, on demande à chaque semaine qu'est-ce qui pourrait être intelligent la prochaine fois. T'sais, on se demande, tout est intelligent, qu'est-ce qui manque? Ben, une pince à cheveux, c'est la prochaine chose. C'est ça. Et les aides auditives ont fait d'énormes progrès ces dernières années, nous dit-on. Elles se sont largement miniaturisées, leurs performances ont grimpé en flèche, mais Fujitsu pense avoir trouvé une nouvelle approche. Celle-ci était matérialisée sous la forme d'une pince à cheveux. Donc, c'est le Fujitsu Antenna, un petit appareil qui ressemble à une oreillette Bluetooth, mais c'est une pince à cheveux à s'attacher dans les cheveux. Plutôt que d'envoyer le son dans votre oreille, l'appareil envoie via vos cheveux par des vibrations. Ah! Donc, le porteur n'entend rien, il ressent le son. Fujitsu, oh wow, hein, décrit le concept de la même manière que les chats ressentent le vent avec leurs moustaches. C'est donc une sorte de conduction, non pas osseuse comme d'autres sortes d'écouteurs. Ici, donc, on dit qu'il y a un seul problème, et c'est un gros problème, si vous n'avez pas de cheveux ou qui sont trop courts, vous ne pourrez jamais utiliser le Fujitsu Antenna. Ouais, c'est sûr. Si un jour, bien sûr, ça devient commercialisé, parce que pour l'instant, ce n'est pas. Ensuite, un sac à dos sous vide d'air. Un peu comme, tu sais, on voit les infos publicités à télé avec une balayeuse pour enlever, pour les gros chandails du temps des fêtes, pour les Tout mettre en dessous de ton lit. Un peu le même genre de choses. Donc, on s'en sert à la cuisine aussi. Un sac sous vide qui présente l'intérêt d'occuper un volume minimal. Quelque chose qui pourrait être bien pour un sac à dos si tu pars en voyage. Hein, c'est ça l'affaire. C'est surtout que ça serait vraiment très pratique. Des vêtements, ça se compresse très bien. Mais ça irait mal, par exemple, passer aux doigts. Oh oui, c'est un bon point. Que ça serait accepté? Sûrement pas. J'imagine que non. À moins que s'il y avait des objets à voir, on les verrait quand même à travers les vêtements. Ouais. Je sais pas. Parce qu'en tant que tel, ils peuvent voir à travers tes vêtements. Ouais, que tu portes. C'est ça. S'ils peuvent voir à travers. C'est une bonne question. Ouh, je sais pas. Donc, c'est le concept de Increase Decrease. C'est une. Donc, c'est l'étudiant en design Casper Notenboom, qui a vraiment un nom extraordinaire. Casper Notenboom. D'ordinaire, on utilisera un petit sac. Si on sait que ce qu'on a à transporter est petit, un grand pour les plus gros contenus, et bien lui, il a cherché à maximiser l'extensibilité et le rétrécissement selon le contenu. Les 4 sacs à dos et 12 filets à provision de sa collection utilisent donc le vide d'air. Vous partirez en voyage ainsi avec un sac vide, mais petit pour revenir avec un sac plein de souvenirs et plus volumineux. Mais sais-tu ce qui m'énerve un petit peu, c'est que dans les sacs sous vide, là, bien souvent, tes vêtements vont rester fripés après. Oui, c'est vrai. Si tu vas en voyage, là, automatiquement, là, ça te prend un fer à repasser, quelque chose. Puis si tu mets dans ton sac, tu vas avoir de la misère à compresser ton sac, c'est ton ça, fer à repasser. Ouais. Donc, c'était au Beijing Design Week 2016. Il y avait un petit stand d'exposition. Ça devrait être commercialisé plus tard si tout va bien. Ensuite, une chaise de bureau imitant une sensation d'apesanteur. Je me rappelle la semaine passée qu'on a parlé d'une chaise de bureau qui s'escamotait un petit peu comme un siège de voiture. Tu te rappelles de ça? Maintenant, on a une chaise de bureau qui simule l'apesanteur. Donc, 26 000 $, c'est le prix de la dernière invention de David Wickett, un ingénieur britannique doublé d'un créateur de mobilier et docteur en bio-ingénierie. Juste ça, hein? Autant dire que sa dernière création, nommée Elysium, est assez éloignée de la chaise de bureau en plastique sur laquelle on s'assoit, comme mettons nous en ce moment, de façon très très plate, que je suis obligé de m'acheter un coussin parce que sinon mes fesses ont trop mal. Oui, c'est vrai. Les gens me jugent pour ça, mais je suis quand même sur cette chaise-là, genre. Mais non, mais c'est vrai. 20 heures par jour, par jour. Par semaine. 20 heures par jour. Ouch, ça commence à faire des longs chiffres. Si 20 heures par jour, je pense qu'il va falloir qu'on se parle. Il y a un petit problème. Bref, composé d'un squelette en fibre de carbone et d'une combinaison de joints électroniques. Le fauteuil high-tech permet de créer une sensation de totale apesanteur en réagissant seulement au mouvement de l'utilisateur. Cette ultime chaise de bureau fonctionne de la même manière que dans son clip vidéo qui est sur assemblagerequis.com. On dit que ça pourrait valoir le prix parce que cette merveille d'ingénierie a exigé quelques 10 ans de travail afin de trouver l'équation permettant de calculer précisément ce moment entre les positions assises et couchées où le poids du corps est uniformément réparti et passe par une gravité zéro, ce qui se traduit par une atténuation sensorielle qui est le principe de la thérapie de flottaison. Wow! Donc c'est la position scientifiquement la plus confortable. Ça amène moins de pression sur le dos. Cool, hein? C'est très cool. Le fauteuil Elysium de David Wickett. Ensuite, c'est le Sensor Mirror de la compagnie Simple Human. On connaît Simple Human pour leurs poubelles et les trucs qu'on voit chez Canadian Tire, entre autres, qui sont un petit peu plus chers, mais plus luxueux, là, de qualité. Ce qui vous permet de voir le vrai vous, nous dit-on. Ouais, parce que... c'est bizarre d'une main. Hein? Ouais, vraiment. On dit que différentes lumières, différents miroirs peuvent vous donner une mauvaise réflexion, un mauvais reflet de vous-même. Tu sais, des fois, tu vas arriver... exemple. Le miroir de la salle de bain... tu te trouves moins belle que dans le miroir de la chasse-galerie, mettons, exemple. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça dépend selon l'éclairage, ça dépend de comment le miroir a été fait. S'il est souple, déjà en partant, ça se peut qu'il y ait une bosse dedans. Et t'sais. Voilà, c'est pas toi la bosse. C'est ça. C'est le miroir. Ne vous inquiétez pas. Donc, le Simple Human 8-inch Sensor Mirror, donc un miroir avec une loupe 5 fois, sans distorsion, pour être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Elle s'est équipée de sensors qui vont automatiquement allumer ou éteindre un cercle, un anneau de lumière LED dépendant de la distance entre ton visage et le miroir. Une fois que ton visage est détecté, ça va augmenter la sensibilité pour que le miroir ne s'éteigne pas alors que tu l'utilises. Donc, il utilise des lumières LED Surgical Grade, donc calibre chirurgical, deux fois plus brillante que les compétiteurs, et ça va plus naturellement imiter la lumière du soleil. Donc, 600 lux et 90 CRI, le Color Rendering Index. Donc, le miroir est sans fil, pour commencer. Oui. Ajustable et peut être rechargé via un câble USB. Une recharge pour jusqu'à 5 semaines. Donc, le Simple Human 8-inch Sensor Mirror est disponible pour 200$ US. Ils ont aussi d'autres grandeurs, d'autres tailles. Wow! 200$. Hey, chez Walmart aussi, hein, tu peux en avoir un qui allume. Fait que... ouais, mais peut-être pas autant. Faites-en pas, tu sais. 8 pouces, c'est quoi? C'est une bambine? Oui, c'est ça. C'est un petit miroir bambine. Je pense que c'est ça. Une petite chez Stratton, je pense que c'est 8 pouces. Ouais. Parce qu'une Bambino, c'est 6, je pense. Bambino, c'est 6. La 8, c'est quoi? C'est une petite. Une petite. Bon, c'est moi. Je trouve ça plus drôle de dire Bambino. Hein? Ensuite, parlant de fast-food drôlement, comme oui. Ça, c'est un cabaret pour votre volant de voiture. Ah! Tu sais, on dit aux gens qu'ils devraient pas téléphoner au volant. Oui. Mettez-vous avec un burger à gauche puis un cornet de crème glacée à droite, là, tu sais. Oui, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Donc, installez-vous votre petit cabaret sur votre volant pour changer votre voiture en salle à manger impromptue. Mais tu peux-tu tourner pareil? C'est une bonne... Je pense pas. Je pense pas, non. Probablement que tu peux. Sauf que tiens ta liqueur. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est fait de plastique ABS. Ça se peut-tu? La table a donc un porte-verre, une forme pour mettre son crayon et puis une surface plane pour manger ou pour travailler. Donc, de la façon qu'on le voit, en tout cas sur les photos, j'ai l'impression que ça tient après le volant. Après le. Tu sais, quand tu tiens ton volant, t'as une petite encoche, un petit morceau de plastique en bas. Donc, je pense que ça tient après ça. Donc, j'imagine que le volant peut tourner, mais le cabaret va tourner aussi. Si je comprends bien, 20,50$. Finalement, c'est juste pour pouvoir manger dans un stationnement dans ta voiture. Ben, à peu près ça. Quand t'es pressé, mais tu n'as pas de place, tu sais. Oui. Ça peut arriver. Ensuite, on veut chauffer une pièce complète avec des bougies chauffe-plat. Tu sais, il y en a qui font des fondus avec leurs petites bougies chauffe-plat. Oui, ben oui. Ça demande pas mal plus de temps et de patience. Oui. Donc ici, on demande combien vous payez par mois de chauffage. Vous pourriez remplacer ça par quelque chose de bien moins cher, des petites bougies, hein? Igloo, un petit accessoire rudimentaire mais efficace. Nous dit-on, c'est en terre cuite développé par Marco Zagaria, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. C'est fait de deux petits dômes et d'un plateau en métal. Et grâce à la très bonne conduction de ces deux matériaux, Igloo amplifie la chaleur de quatre bougies chauffe-plat. Objet moderne oblige, Igloo est imprimé en 3D avec seulement 20 cm de diamètre pour 900 grammes. Et après seulement 30 minutes, la température de l'environnement entourant le Igloo augmente de 2 à 3 degrés Celsius. Wow. L'environnement entourant les igloos, comme dans à combien de distance, là? T'sais, un demi-mètre, ouais, je sais c'est pas. Ça. Les chauffe-plats ont une durée de vie d'environ 5 heures. Donc, quand même, pour vous sauver la vie lorsque vous êtes en panne de courant. Petit chauffage d'appoint qui a réussi sa campagne Indiegogo à 262 513 pour 30 000 personnes. C'est actuellement en vente. Des prix qui varient selon la taille, le coloris et le vernis. Donc voilà, Igloo GLOO. Ensuite, la boîte qui va vous éloigner de votre smartphone. Tania et les autres chroniqueurs de l'émission ont tendance, pendant mes chroniques, à aller sur leur téléphone cellulaire. Mais non, on travaille en même temps, parce Mathieu. Parce qu'ils sont des milléniaux. Parce qu'on fait quatre choses à la fois ici. Ouais. Comme moi, je suis en train de lire, mais en même temps, je suis en train de jouer à un jeu vidéo en même temps. C'est ça. Bref, si vous avez un travail à faire ou quoi que ce soit qui demande zéro distraction, faire la radio dans mon cas, je garde mon téléphone dans ma poche pour être sûr de ne pas voir mes messages. Donc, pouvoir mettre son smartphone hors de portée, souvent une très bonne solution. Vous pouvez l'enfermer. J'ai vu ça. Oui, lui et trois autres appareils, donc il pourrait en avoir quatre dans le Distract Gun. Et le téléphone, la boîte en fait va rester verrouillée durant une durée que vous déterminez juste après la fermeture de la boîte. Une fois le bouton de verrouillage enclenché, vous avez 5 secondes pour annuler, après quoi le seul moyen de récupérer votre précieux bijou sera d'attendre la fin du délai ou de faire exploser la boîte. Distract Gun est l'œuvre d'une équipe de designers d'Amsterdam. Pour l'instant, c'est un prototype et la campagne Kickstarter vise à lancer la production. Il demande 40 000 euros, ils sont rendus à 3 300, en tout cas en date de l'article. Ça devrait être envoyé pour février 2017. D'habitude, quand je vais voir le lien, c'est d'habitude terminé. Ouais. Ils se sont pas rendus. Non. Non financés. 30 000 sur 40 000, ça me surprend. Il y avait jusqu'au 19 octobre pour le faire. Puis ils l'ont pas fait. Passé, Colin, non? Mon Dieu, c'est triste. C'est poche. En tout cas. Mais une bonne idée quand même. Oui, tout à fait. Et finalement, un concept de colonne vertébrale à lumière LED. Pourquoi? Doulahan, c'est un concept qu'on dit effrayant, mais en même temps étonnant. C'est une colonne vertébrale qui viendrait se fixer sur le dos de son porteur et qui indiquerait lorsque vous vous tenez mal. Ah, OK. C'est le designer James Edwards, hautement interactif et futuriste. Cette unité vertébrale se fixe donc sur le dos directement le long de votre propre colonne vertébrale. Et avec ses nombreux capteurs intégrés, elle est capable de dire lorsque la colonne est sollicitée d'une mauvaise manière. Les LED intégrés, si tout va bien, sont bleus. Par contre, si ça va pas bien du tout, les LED vont passer au rouge. Pour l'instant, c'est seulement un concept. Donc, on dit que vous allez peut-être avoir ça un jour comme façon de se tenir droit. Il y a déjà des gadgets là, qui existent. Je me rappelle plus des noms, mais que tu mets sur ton collet de chemise ou quelque chose comme ça, ou sur le bras de ta brassière, pour te dire quand te lever. Genre, au début de la journée, tu prends une position neutre, puis après ça, le reste de la journée, si tu baisses tes épaules, tu vas recevoir un buzz. Ah, mon Dieu! J'espère que c'est pas dans la brassière. De faire mal. Moi, j'espère que c'est dans ta brassière, juste pour te voir sur plaisir. Voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 11-17. Voilà, pour ça, que ça ne devrait pas là. On prend une pause. Au retour, qu'est-ce qu'on se réserve? Une chronique de Tania. Ouh, oui! It's gonna entertain you. Restez là. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de guides. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 7 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, est-ce que tu as choisi finalement si tu parles de choses à manger ou à boire en premier? Ah, vous allez voir. OK, j'ai hâte. Des fois, on boit en mangeant. Oui, c'est vrai, mais non. Un après l'autre. Un après l'autre. Mais avant ça, on écoute Holy Data. Voici Bad Future. Assemblage Requis. Oh, 89 FM. C'est fou. Oui. Oh, oh. This is what she said. The world ain't no purpose. Holy Data ou Holy Data, dépendant de l'accent du pays d'où vous venez. Tania a appris l'anglais britannique, elle dit data. Oui, mais sur la feuille, c'est marqué data, non, c'est pour ça. C'est la prononciation data et data. Ah, ok, ok, oui. La prononciation. You say tomato, I say tomato. C'est ça que ça veut dire. Oh, t'as fait un petit. C'est-tu parce que tu veux manger? Ah, je sais pas encore si tu vas boire ou manger. Oh, I, O. Ah, deux sujets aujourd'hui, on sait pas dans quel ordre. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna entertain. Oh boy. Hein, c'est comme le croque-not show dans le temps. Pareil. Tu te rappelles? Croquer. Moi ça? Non. Non? J'écoutais pas ça. Ah, on n'a pas les mêmes référents avec l'argent. Non, je suis désolée. Donc, Tania. C'est le fait que je regardais pas ça. Quelle est la famille? Oui, mais j'écoutais pas ça. Ouais. Non, c'est pas grave. Je te pardonne, je te pardonne. Si, je te pardonne seulement si tu me présentes un sujet qui est intéressant à ta chronique. Eh bien, Mathieu, on va commencer à parler de bouffe. Bouffe! Tu sais que ça me rejoint tout de suite. Ben oui, tout à fait. Puis en plus, je sais qu'en fin d'émission, vous allez avoir une grosse pointe à l'adresse. Oui. Je serai pas là. Non. Alors, je me suis dit, pourquoi pas donner encore plus faim aux gens jusqu'à temps que ça soit une grosse pointe à l'adresse. Bonne idée. Vous mettre l'eau à la bouche. Exactement. Mais comme je vous l'ai dit, sur Internet, et comme Mathieu l'a dit en début d'émission, je vais essayer de vous donner faim en essayant de garder votre beach body. Là. Ne oui, vous essayez, ben oui. Inquiétez-vous pas. Peux-tu m'en donner un? Un beach body? Ouais. Je pourrais essayer, mais je suis pas certaine que je puisse faire des miracles autres que par toi-même, Mathieu. Je suis un cas si désespéré que ça. Non, mais tu sais, tout part de la volonté de le faire soi-même. J'ai pas ça. C'est ça, exactement. Hein? Non, aujourd'hui, en fait, on va parler de snacks santé, wow, style été, et justement qui vont être parfaits quand même pour l'été et qui seront pas trop difficiles pour vous à garder votre beach body. Parce qu'on le sait, la plupart du temps, durant l'été, les gens vont un petit peu plus s'entraîner, les gens vont essayer de faire un petit peu plus attention à leur nutrition, à leur alimentation. Et c'est un petit peu dans cette optique-là que je m'en vais. Mais inquiétez-vous pas, là, on parle pas juste de collation du style pomme puis beurre de peanut ou des petites carottes avec des céleris. Non, bon. Non, on y va un petit peu plus sophistiqué que ça. Alors, j'ai quelques recettes pour vous. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et Mathieu, si on parle l'été, qu'est-ce qui te vient en tête? Je sais pas. Des glaçons. Ouais, bon, non. OK, non. C'est pas là que je m'en allais. Mais, je sais pas pour toi, moi, s'il y a une période dans l'année à laquelle je vais plus manger des nachos, c'est durant l'été. Des nachos, j'aurais dit de la crème glacée en premier. Mais... Ouais, okay. Mais non, ça va venir un petit peu plus tard. Okay. Mais je parle de nachos. Oui, je parle de nachos. Mais attention, des nachos santé, ça se peut-tu? Je veux dire oui, parce que tu vas sûrement nous en parler, mais qu'est-ce que ça pourrait avoir? Ça peut pas être des chips tortillas, là. Ah! Ou d'un grain entier. Eh bien, des nachos sucrés avec une salsa faite de fruits. Wow! Eh bien, oui, ça se peut parce qu'on s'entend que Je pense que du côté nachos, là, j'ai fait déjà une couple d'endroits où on pourrait parler quels sont les meilleurs du côté de Trois-Rivières. Mm-hmm. Mais comment est-ce qu'on peut transformer tout ça en une espèce de dessert sans nécessairement avoir une excuse d'en manger, tu sais, sans se sentir mal de pouvoir manger tout ça. Mais pour les nachos, on va remplacer justement les croustilles par un pain pita de blé entier. Ah, bonne idée, c'est tellement bon les pains pita. Ben oui, qu'on va couper en triangle. On va faire par la suite une espèce de petit mélange d'huile, sucre et cannelle. Vous pouvez y aller avec de la cassonade si vous préférez la cassonade au sucre. Certains préfèrent ça comme ça. Et vous pouvez y aller aussi juste avec de la cannelle si vous préférez juste plus la cannelle. Mm-hmm. Et vous allez faire le mélange, comme je disais. Vous allez mettre le mélange sur chaque tranche. Puis vous allez mettre ça au four. Comment on met ça au four? Okay. Au four pour que ce soit croustillant. Donc, il faut quand même garder ça à l'œil, là, parce que je vous dirais que ça va différencier un petit peu de chaque puissance de four qui se retrouve dans chaque mm-hmm. appartement ou chaque maison dans laquelle vous allez faire ce petit mélange. Et pour la salsa, c'est super facile. Vous allez faire une combinaison de fruits. Donc, par exemple, des fraises, des framboises, des mûres, des bleuets. Vous allez couper ça quand même assez petit. Et comme je le disais, vous allez le couper en mini morceaux. Vous allez ajouter quelques gouttes de jus de citron. Et certains vont ajouter aussi un petit peu de miel. Parce qu'on veut, du sirop d'érable. Parce qu'on veut avoir cette espèce de d'onctuosité que la salsa normale a aussi. Et si on n'ajoute pas un certain jus à quelque part, ça va juste faire comme des fruits. Pff, ça va être un petit peu platounet. Ouais, c'est comme on dit, hein, il faut tout le temps un petit peu de jus, sinon c'est platounet. Hein. C'est ça, oui. Puis vous pouvez aussi, si vous aimez bien le vinaigre balsamique, vous faire ou tout simplement acheter un glaçage de vinaigre balsamique et remplacer la crème sûre sur un nachos normal par un filet de vinaigre balsamique. Les effets sonores aujourd'hui, même pas c'est besoin fou, de console hein? ou rien. C'est malade. Donc, par la suite, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est enjoy votre snack. Enjoy it. Et on s'entend que c'est pas mal plus nutritif et pas mal plus santé qu'un nachos normal. Déjà qu'il n'y a pas de fromage. C'est ça. Déjà, c'est un bon début. Déjà en partant, vous gagnez là-dessus. Si on y va dans les classiques, bien, les raisins congelés, c'est génial pour les espèces de cravings de popsicle. Mais là, tu sais, des fois, on dit l'alcool gèle pas, mettons, fait que le vin, tu peux pas le geler, mais là, le raisin, c'est comme à la base du vin, si tu peux geler des raisins. Ouais, mais il est pas fermenté. Pas fermenté. C'est ça, parce que ce qui fait que le raisin dans le vin va faire du vin, c'est la fermentation. Question stupide, réponse intelligente, on aime ça. Exactement. Donc, vous allez prendre un bol de raisins, que vous préférez les raisins verts, les raisins rouges, les raisins noirs, les raisins bleus, peu importe, les raisin bran. Peu importe, vous allez prendre votre favori et vous allez mettre ça sur une plaque à cuisson. Mais attention, vous le mettez pas au four, vous le mettez dans le congélateur. C'est quoi l'effet sonore pour le mettre dans le congélateur? ça a pas changé. Donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent pas nécessairement manger des popsicles pleins de sucre, parce que c'est un petit peu difficile parfois d'aller à l'épicerie, de se trouver un popsicle qui sera pas trop élevé en sucre, oui. Puis vous allez faire du diabète après ça. Mm-hmm. Mais les raisins congelés, c'est génial. Puis vous pouvez en manger comme vous voulez. Vous pouvez aussi vous faire un mix des rouges, des verts, des bleus, des noirs, puis mélanger tout ça. T'sais, c'est à votre guise. C'est la diversité culturelle. C'est ça. Si on veut pas faire de chicane dans l'assiette. Par la suite, on parlait de pommes puis de beurre de peanut tantôt. Tu sais, je pense que ça, c'est aussi un classique des snacks santé. Mais là, vous pouvez pimper la chose un petit peu. Si vous êtes en été et que vous aimez les sandwichs à crème glacée. Mais ça. Mais vous vous dites, non, j'aimerais ça que ça soit pas nécessairement un sandwich à crème glacée. J'aimerais ça que ça soit quelque chose qui est pas mal plus santé. Bien, faites-vous un sandwich au beurre de peanut ou au beurre d'amande. OK. C'est facile. Vous prenez une pomme, vous la tranchez à l'horizontale pour que ça fasse des tranches. Quand même des tranches assez épaisses, OK? On veut pas que ça soit trop mince pour que ça soit flocotant. Mm-hmm. C'est pas flocotant. Flocotant. C'est un terme technique. C'est ça, exactement. Ricardo dit tout le temps ça. Flocote et dit tout le temps ça. Par la suite, vous allez badigeonner de beurre de peanut sur une et vous allez essayer de donner quand même une belle petite épaisseur là, parce que vous voulez un sandwich de beurre de peanut qui va valoir la peine. Oui, ambitionné. Et c'est ça, exactement. Et sinon, vous allez pouvoir aussi mettre du beurre d'amande où il existe maintenant du beurre de soya. Okay. Ça se fait aussi. Prenez le beurre que ça vous tente, OK? Puis. Prenez le premier, c'est le beurre. C'est ça. Premier. Prenez pas la margarine, ça se peut que ça goûte mauvais. T'as compris le gag? Oui, j'avais compris. Okay. Et si vous voulez ajouter un petit quelque chose de plus, là, pimper votre sandwich aux pommes et beurre de peanut, vous mettez du granola ou des pépites de chocolat ou encore les deux. Ah. Entre les deux tranches. Wow. Sur le beurre de pin. Incroyable. Vous comprenez? Ben oui. Ça vous donne un snack de sandwich de pommes et beurre de, bon, quelque chose, peanut, amande, peu importe. Et ça va rendre la chose pas mal plus agréable aussi du côté mental à manger qu'après avoir mangé votre sandwich à crème glacée, vous allez vous sentir culpabilisé. Là, tout le monde fait ça. Ouais. Par la suite, j'ai une trempette pour fruits pour vous. Parce que des fois, on va recevoir des gens sur, je sais pas moi, un dîner ou en fin d'après-midi avant une épluchette de bledin. Ouais. Puis tu sais jamais vraiment trop quoi leur servir. Parce que les petits légumes, c'est bien le fun, mais des fois, t'aimerais ça faire changement. Puis il y en a tout le temps qui disent « j'ai goût de sucré ». Ben tu peux y aller pour une trempette pour fruits au chocolat. Oh. Donc, vous allez mettre de la couleur, en fait, dans votre vie et dans la vie des gens qui sont autour de votre piscine. Vous allez vous préparer une assiette avec vos fruits préférés. Et comme pour une fondue au chocolat, en fait, c'est un petit peu la même chose. Et par la suite, lorsqu'on essaie d'être santé, bien, vous allez remplacer le chocolat fondu de votre fameuse fondue au chocolat du temps de Noël par une trempette au chocolat. C'est vraiment très facile à faire, OK? Ça vous prend du yogourt grec, du miel... vous pouvez y aller avec de la vanille ou encore un yogourt grec déjà à la base de vanille, du beurre d'amande et de la poudre de cacao. Mm. Par la suite, là, c'est pas très compliqué. Tout ce que je viens de vous nommer, là, c'est-à-dire yogourt, miel, beurre d'amande et poudre de cacao, mettez ça dans le même bol. Vous prenez un fouet ou encore, à la bonne vieille méthode, une cuillère. Hey, c'est kinky rare, ça. Vous allez mélanger ça jusqu'à temps que vous allez obtenir une onctuosité qui est quand même le fun à pouvoir tremper des fruits dedans. Et vous allez mettre ça en plein milieu de votre assiette à fruits. C'est le fun. Simple de même. C'est moins calorique qu'une fondue au chocolat, mais ça reste quand même un petit goût léger de chocolat. Et souvent, ça va être plus léger. Les gens vont avoir un petit peu plus de facilité à pouvoir le manger puis continuer à courir autour de la piscine. Hey, parlant de yogourt grec, Tam. Oui. Tu peux me permettre une petite parenthèse. Ben, vas-y donc. Tu sais, Wayne Gretzky est en ville récemment. Wayne Gretzky, dans les deux derniers soirs. C'est ça, joueur de... D'hockey. Ping-pong, oui, hockey. C'est ça, oui. Wayne Gretzky. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que l'idée du restaurant grec Béjoli à Trois-Rivières-Ouest a comme inspiré Wayne Gretzky. Il pense à ouvrir un plus petit Wayne Gretzky puis l'appeler Y-Ski. Y-Ski. Eh boy. Ouais. Je m'avance pas sur cette discussion. Non? Non. C'est bon par contre, les Grecs. Oui, c'est très bon. On attend les coupons rabais au nom de Cifou. 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Mathieu, est-ce que tu aimes les bleuets? Oui, j'adore les bleuets. Est-ce que t'aimerais que tes bleuets soient moins plates? Mon rêve depuis l'enfance. C'est, tu sais, les raisins, tantôt, on a parlé des fers congelés. C'est assez difficile de faire congeler des bleuets sans que ça vienne pâteux un petit peu. Mais j'ai une petite... on the side pour vous. Je vous suggère en fait deux façons de préparer vous-même des petites bouchées à base de bleuets. Wow. Les petites bouchées à base de bleuets, c'est des bleuets recouverts de yogourt. Ah. Ok, oui. En fait, l'étape numéro un pour une des façons de préparer ce fameux petit cocktail dînatoire. Se procurer des bleuets, j'imagine. C'est ça, c'est se procurer des bleuets, bien évidemment. Ça vous prend quand même un bon casseau. Par la suite, ça vous prend du yogourt grec. Encore une fois, vous pouvez ajouter du miel à votre yogourt grec. Vous pouvez prendre aussi de la vanille ou de la cannelle. Ça dépend un petit peu du goût que vous désirez avoir autour de votre bleuet. Et vous allez déposer les bleuets sur une plaque. Vous allez les mettre au congélateur. Et vous allez verser, avant de les mettre au congélateur, là, vous allez verser le yogourt sur votre bleuet, OK? Vos bleuets, en fait. Pas juste un bleuet dans le congélateur. Un à la fois. C'est ça. Avec une pipette. Juste une petite pipette. Avec une petite pipette. Non, vous allez, en fait, recouvrir vos bleuets qui sont sur une plaque de ce fameux petit mélange au yogourt grec que vous venez de créer de votre inspiration. Un nuage de yogourt. C'est ça. Là, par la suite, ça vous prend un petit peu d'espace dans votre congélateur. Là, s'il y a bien du stock... Je suis désolée, vous ne faites pas vraiment, mais vous faites de la place. Et vous allez mettre votre plaque dans le congélateur. C'est important quand même que ça reste droit, parce que sinon, on s'entend que le yogourt va glisser, puis une plaque au yogourt, c'est un peu moins le fun que des bleuets au yogourt. C'est bien de le préciser quand même. Sinon... faut le mettre droit, sinon ça va être crache. C'est ça, exactement. Sinon, la deuxième façon comment vous pouvez le préparer, c'est de vous procurer un long bâtonnet en bois, tu sais, lequel avec vous fait faire des brochettes, là. On revient au truc kinky de tantôt. C'est ça, exactement. Vous allez empiler une dizaine de bleuets. Vous allez vous prendre un bon bol, fait long approximativement, dans lequel vous faites mettre pas mal de yogourt, et vous allez tremper vos brochettes de bleuets dedans. Vous allez remettre ça sur votre belle petite plaque, mais toujours en forme de... brochette. Brochette. C'est ça, en forme de brochette. Et vous allez mettre ça dans le congélateur. ça va vous faire des brochettes de bleuets au yogourt. Wow! C'est merveilleux. Donc, à la place de pouvoir les piger, là, puis que tout le bout de vos doigts soit blanc, à cause que le yogourt, il sèche un petit peu parfois, ou il dessèche, là, parce que c'est ça, il sue en sortant du congélateur, bien, vous allez avoir un bâton pour les manger. Ouais, c'est pas mal plus le fun. Hygiénique. Exactement. Ouais. Par la suite... Et qu'est-ce qui est le fun à manger aussi en été, qui est frais? Parfois, je te dirais qu'on y va plus du côté fruits de mer, dans ce côté-là. Ah, des crevettes? Des sushis? Des sushis, ben oui. Eh bien oui. Sushis aux crevettes. Oui, c'est ça. On parle toujours de snacks à base de fruits, sachez-le, là, qui sont... Oui. Suis un peu, hein? C'est ça que ça veut dire. Attendez-vous pas des snacks salés, là, je suis désolée. Mais les sushis aux bananes et au beurre d'arachide... Ah. Eh bien, oui, parce qu'en fait, c'est très, très simple. Vous vous rappelez, pendant les nachos, je vous disais un pain pita de blé entier. Mm-hmm. Et là, vous allez retrouver votre pain pita de blé entier dans les sushis aux bananes. Ah, comme une retrouvaille. C'est parfait. Vous allez le beurrer de beurre de peanut ou encore de beurre d'amande. Comme on le disait tout à l'heure, c'est super facile à faire. Vous allez ajouter une banane. Je tiens à vous rappeler qu'une banane, ça curve. Donc, vous pouvez la couper avant, mais ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile. Donc, allez-y à votre guise. Par la suite, vous allez enrouler votre banane dans le fameux pain pita et c'est là que vous allez couper. Sinon, il y a une autre manière aussi de réaliser ces fameux petits sushis à la banane-là, c'est que vous allez couper les morceaux de banane en premier. Par la suite, vous allez recouvrir les côtés de beurre de peanut. OK? Et je tiens à vous dire que si vous prenez votre banane qui est déjà coupée avec une fourchette, ça va aller pas mal mieux pour la beurrer de beurre de peanut tout le tour, OK? Ben oui. Qu'y aller avec la main directement. Et vous allez rouler ces fameux petits morceaux de banane-là dans des céréales Rice Krispies. Oh, wow. Par la suite, il vous reste juste à sortir les baguettes puis à les enjoy en forme de sushi, là. Ou prendre du petit chocolat, là, tu sais, qui fige, là. Oui, aussi. Mm. Vous pouvez faire ça. Oui. Ce que vous pouvez faire aussi, rappelez-vous les petits bleuets qu'on a parlé qui étaient recouverts de yogourt grec. Mais vous pouvez mettre votre banane, la recouvrir de yogourt grec, la mettre dans le congèle. Hey. Quand elle sort, tu mets un petit peu de beurre de pin, puis là, tu la remets dans le Rice Krispies. C'est de la cuisine fusion. T'as-tu vu comment c'est malade? Incroyable. C'est incroyable. Je suis pleine d'idées comme ça. Tantôt, on parlait de crème glacée. Oui. Mais tu sais, s'il y a quelque chose qu'on veut absolument éviter à un certain point durant l'été, lorsqu'on essaye de conserver son beach body, c'est la crème glacée. Oui. Du moins, on essaye de pas trop en manger. Mais là, j'ai une option pour vous. Parce que contrairement à la Häagen-Dazs, tu peux te permettre cette crème glacée tous les jours sans culpabilité. Oh oui, sachez-le. En fait, vous allez remplir votre blender de bananes congelées. OK. Les fameuses bananes de tantôt. Oui. Il n'y a pas un Yonanas ou un truc, le produit qui est fait pour faire de la crème glacée à partir de bananes qui est dans le commerce. Là. Ça va être autre chose. Écoute, tu peux aussi t'acheter des bananes, les mettre dans le congélateur, ça revient pas mal à la même affaire. Mais ils ne feront pas 20$, monsieur Shipping. Mais non, mais attends. Là. Par la suite, là, tu flippes la switch de ton blender, puis c'est pas mal ça qui est ça. Je m'attends à plus d'étapes. Oui, mais là, ça te fait de la crème glacée à bananes, déjà en partant. Il faut que t'aimes la banane. Ben oui. Sinon, tu peux y ajouter des fraises congelées. Ah, ben oui, ça fait une fraise banane. Ce qu'il faut garder en tête, c'est de ne pas ajouter de liquide. Okay. Parce que si on ajoute du liquide, c'est là que ça va devenir une espèce de smoothie. C'est pas ça qu'on veut. On veut conserver l'onctuosité de la crème glacée. Et sachez-le, s'il y en a qui trippent sa crème glacée au chocolat. Parce qu'il y en a pour qui la crème glacée, ça vient pas sans le chocolat. Tu sais, la crème glacée à vanille, c'est non. Ben, mettez de la poudre de cacao dans le mix avec votre banane puis vos fraises. Excellent. Ou juste avec votre banane puis de la poudre de cacao. Il y a rien qui empêche. Tu disais, OK, faut pas mettre de liquide. Est-ce que tu pourrais mettre un petit coulis de chocolat dedans? Tu pourrais très bien. Tu pourrais très bien faire ça. Wow. Ma dernière option pour les snacks santé du côté des fruits, c'est le pudding au chia et aux fruits. Ouais, c'est dit de même, c'est un peu bizarre. Au chia? Oui, exactement, au chia. Donc, vous allez rajouter de l'eau à vos graines de chia. Vous allez écraser quelques framboises, en fait, pour essayer d'en faire une espèce de purée avec votre framboise. Vous allez mélanger tout ça. Et si c'est possible, vous allez laisser agir ça durant toute la nuit dans votre frigo pour que le lendemain, le pudding ait vraiment l'air d'un pudding. Parce qu'on s'entend que si vous mettez de l'eau dans des graines de chia, au début, ça se peut que ça ressemble juste à des graines de chia qui traînent dans l'eau. Est-ce que tu es en train de me dire que tu aimerais que ton pudding soit pudding des meilleurs. Tu sais, pudding des... Exactement. C'est ça que tu veux dire. En fait, vous voulez que le pudding se forme. Donc, il faut absolument un temps de macération entre l'eau et les petites graines de chia, OK? Et le lendemain, bien, vous allez rajouter par-dessus tout ça des framboises qui n'ont pas été mises en purée ou tout simplement d'autres fruits. Tu sais, on parlait tout à l'heure des bleuets recouverts de yogourt. Bien, vous pouvez rajouter ça. Et là, vous allez avoir un pudding santé, fruité, qui est léger et qui n'est pas trop difficile à digérer non plus. Ouais. C'est merveilleux. Ça, c'était du côté des snacks de fruits. Maintenant, Mathieu, si je te parle été, barbecue... Ah là, je suis pas très bon, hein? Qu'est-ce qui est un classique qui vient avec les hamburgers? Classique qui vient avec la boulette? Je sais pas. je suis pas là aujourd'hui. Je m'attendais pas à cette réponse-là. Mais automatiquement, moi, quand je pense hamburger, je pense frites. Oui, ben oui. Mais s'il y a bien une affaire qui est difficile à faire en voulant conserver son beach body, c'est de manger des frites. Oui. Mais là, j'ai des options pour vous. Des navets. Où vous allez pouvoir conserver votre beach body en mangeant des frites. Incroyable. En fait, ce sont certaines sortes de frites. On s'entend, c'est pas des patates normales là, que vous allez manger. Mais ce qui est le fun, c'est que ça peut devenir votre espèce de péché mignon sans trop vous culpabiliser durant l'été. Et c'est ça qu'on adore, parce que gardons en tête qu'on s'entraîne, qu'on veut garder notre corps de déesse dans le bikini qu'on porte. Wow. Ou dans le speedo, ça dépend de ce que vous désirez porter. Et la première option, bien, c'est les frites de patates douces. Un classique, je pense que pas mal tout le monde a commencé à adhérer à la frite de patates douces. Même les fast-foods, il y en a des fois. Ben, c'est ça. C'est pas très difficile. C'est encore plus santé si vous voulez le faire chez vous, parce que vous allez vous-même mettre les propres ingrédients autour de votre frite de patates douces. Donc, vous allez savoir exactement ce qui se retrouve et vous allez surtout pas le mettre dans l'huile. Fait que déjà, en partant, ça commence mieux comme ça. Les ingrédients, c'est très facile. Ça vous prend deux grosses patates douces que vous allez couper en bâtonnets. Par la suite, ça vous prend deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Parce que rappelez-vous, on vient de dire que si vous avez une friteuse, pas ça que vous allez utiliser. Laissez-la de côté, OK? Vous la retrouverez en hiver. Vous allez prendre une cuillère à thé de poudre d'ail. Par la suite, une cuillère à thé de poivre et une demi-cuillère à thé de sel. C'est vraiment facile comment faire, là. Vous allez préchauffer le four à 425 degrés. Vous allez tapisser une plaque de cuisson avec du papier d'aluminium et vous allez placer une grille de refroidissement sur le dessus. OK, vous avez compris? Mm-hmm. On met du papier d'aluminium dans le fond de la plaque et par-dessus ça, vous mettez une grille de refroidissement, OK? Ou il existe parfois les mini-fours qui ont des mini-grilles aussi. Vous pouvez utiliser cette mini-grille-là. C'est juste qu'il faut absolument que ça soit capable d'être mis dans un four, OK? Et vous allez placer tous les ingrédients dans un grand sac Ziploc. Vous allez faire le mélange pour que ça recouvre très bien les frites à l'huile d'olive. Vous devriez voir Tania faire le mélange, là. C'est comme si on y était. Caméra 3. Et par la suite, vous allez placer toutes les patates douces sur la grille de refroidissement en une seule couche. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est que ça ne restera pas collé sur le papier d'aluminium. C'est pour ça qu'on a mis le papier d'aluminium dans le fond, parce que lui va récupérer la graisse qui va un petit peu tomber de l'huile d'olive, mais c'est la plaque de refroidissement qui va faire en sorte que ça va devenir croustillant. Par la suite, vous allez cuire ça au four pendant 25 à 30 minutes, ou justement, quand que les patates vont commencer à être dorées un petit peu, là, bien c'est là que vous allez sortir ça. Et vous allez servir ça avec votre sauce à trempette préférée. Ça peut être du ketchup, votre sauce à trempette préférée. Mais gardez en tête qu'on essaye de conserver notre beach body. Hein. Puis que le ketchup, c'est pas fait pour ça. C'est ça, exactement. Par la suite, frites de carottes au parmesan. Hein? Hey, allô? Wow. C'est sûr que je vais essayer ça. Ça vous prend deux grosses carottes lavées, OK? Vous n'avez pas besoin de les éplucher, sachez-le. Ça vous prend un œuf, deux cuillères à soupe d'eau, 6 cuillères à soupe de parmesan râpé, un quart de cuillère à thé de sel, un quart à cuillère à thé de poivre, 6 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à thé de sauce chili, parce qu'on va faire une petite sauce à côté. Oh, miam. Ben oui, c'est le fun. Comme tout à l'heure, on va préchauffer le four. Vous allez mettre ça à soit 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit. Vous allez tapisser une plaque de cuisson par du papier parchemin. Ou encore, les fameux tapis en silicone là, anti-adhésif, oui, là, sur lesquels on peut faire des biscuits aussi, puis tout ça, bien, ça peut très bien fonctionner dans le fond de votre plaque pour ce genre de frites-là. Vous allez trancher les carottes en morceaux. On essaye de faire ça comme des frites, fait qu'on va les trancher de façon longue et mince. Environ la taille d'une fruite. D'une fruite. Une frite de truite, c'est une fruite. C'est ça, pareil. Puis, comme je disais tout tantôt, tout à l'heure. Ça, tout le temps, tout tantôt, sur ce cube. Je voulais partir une mode, justement. Et vous n'avez pas besoin de la peler, OK? Vous allez par la suite faire le mélange. Vous allez mélanger l'eau et l'œuf et vous allez mettre ça dans un plat qui va être un pas trop profond. On veut pas qu'il soit trop profond, mais assez pour que la carotte puisse tremper au complet dedans. Par la suite, vous allez mettre Le parlement canadien dans le four. Le parmesan dans un autre plat qui va être sensiblement de la même grosseur que l'autre, assez pour que la carotte puisse tremper au complet. Ce que vous allez faire par après, c'est pas trop trop compliqué. Vous allez prendre votre carotte, vous allez tremper le bâtonnet de carotte dans le mélange d'œuf et eau, et par la suite, vous allez la rouler dans le parmesan. On fait ça avec toutes les carottes. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de parmesan dessus, ben on le refait une deuxième fois. Et on rajoute du parmesan dessus et on fout ça dans le four de 15 à 20 minutes. Vous allez tourner au milieu, tu sais, entre-temps, là, que ce soit à 8 minutes, mettons, là, ou à 10 minutes. Et vous allez les virer de bord pour que ce soit sûr que ce soit bien doré de chaque côté. Et pendant ce temps-là, vous allez faire le mélange à mayonnaise. Donc, tout à l'heure, on parlait que ça prenait 6 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à thé de sauce chili et de la lime et du persil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous désirez conserver votre beach body, vous pouvez remplacer votre mayonnaise par du yogourt grec nature. Oh. Ça revient pas mal à la même affaire. Vous allez mélanger, bien évidemment, ce fameux petit yogourt grec-là ou votre mayonnaise, tout dépendant. Vous pouvez faire 50-50 aussi. Vous allez mettre votre sauce chili, votre lime et votre persil. Vous allez mélanger, vous avez votre sauce. Oui, facilement. Les carottes vont sortir. Bingo! C'est merveilleux. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Il y en a plein d'options comme ça. Il y a aussi des frites de courgettes que vous pouvez faire basées sur le même type de façon de faire que celle aux carottes. Donc, vous faites un petit mélange d'œufs et eau. Vous allez tremper vos courgettes. Par la suite, vous allez ajouter de la chapelure assaisonnée. C'est vraiment à votre guise, mais c'est vraiment de conserver dans votre idée que vous voulez faire un petit peu plus attention et que les frites normales ne sont pas vraiment... digne de faire attention. Non, ils sont pas pudding, comme on dit. Exactement. C'est pas assez simple. Ben oui, exactement. Puis il y en a une que je m'attendais pas à voir dans cette fameuse liste-là et que je vais vous avouer que je vais essayer très bientôt et je vais probablement vous en redonner des nouvelles. Ce sont des frites d'haricots. Eh bien oui. Ça, en prend, ça vous prend une demi-livre d'haricots verts que vous allez équeuter. Ça vous prend aussi de la fécule de maïs, 2 œufs, une demi-tasse de fromage parmesan, 1/3 de tasse de chapelure et 1/3 de tasse de chapelure japonaise panko. Vous pouvez la faire différemment aussi si vous désirez qu'il soit juste au parmesan, bien, vous prenez juste du parmesan. Si vous désirez qu'elle soit juste à la chapelure, vous prenez juste de la chapelure. Mais c'est un petit peu dans la même optique, encore une fois, que les fameuses carottes trempées. Dans un grand bol, vous allez mélanger les haricots verts avec l'huile en le massant avec vos mains. Okay? Vous voulez que vraiment toutes les haricots soient recouverts de l'huile. Par la suite, vous allez saupoudrer de fécule de maïs à partir d'une cuillère à café et vous allez bien mélanger tout ça parce que c'est un petit peu la fécule de maïs qui va faire en sorte que ça va bien coller pour le restant. Vous allez ajouter plus de fécule de maïs si c'est nécessaire aussi. Vous allez battre les œufs avec une cuillère à soupe dans un autre grand bol qui va être peu profond, mais on se rappelle assez pour que l'haricot ou la carotte ou peu importe puisse rentrer. Et dans un bol séparé, bien c'est là que vous allez faire le mélange de parmesan avec les deux types de chapelure, les épices aussi si vous désirez qu'il y ait des épices dessus. Et dans les bols, bien c'est super simple, vous allez tremper les haricots dans chacun des mélanges jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Par la suite, vous allez cuire ça au four 12 minutes. Vous allez les retourner à 6 ou 8 minutes de cuisson. Vous allez évidemment essayer de pas les faire cramer parce que ça peut cramer assez rapidement. Okay. Vous les surveillez. Exactement. Vous les surveillez jusqu'à ce que ce soit brun, doré partout et que ça a l'air tendre un petit peu à l'intérieur. Donc, vous allez devoir en tester une à un certain moment. C'est assez rare. Exactement. Et pendant ce temps-là, vous allez fouetter une mayonnaise qui va être à la lime. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser du yogourt grec nature à la place de la mayonnaise. Vous allez utiliser du zeste de lime, du jus de citron et du thym. Vous allez mélanger tout ça ensemble et par la suite, ça va vous servir comme trempette pour les haricots. Que de solutions à un problème qu'on a tous de mal manger les frites, hein? Hey, j'ai le goût de me faire un hamburger végé avec des frites d'haricots. Amène-nous son test ça la semaine prochaine. Une grosse pointe d'adresse. Ça va être... malade. Super bonne suggestion. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Dans quelques instants, ça va être David Ferron qui va être avec nous. Il va s'entretenir avec le directeur artistique de Merlin, l'origine d'une légende, Mathieu Boisclair. C'est dans quelques instants, mais avant ça, on prend une petite minuscule pause. Mm-hmm. Restez là. Aujourd'hui, C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Vous êtes passionné ou curieux du monde de la course automobile? Vous voulez en savoir sur la technologie des véhicules électriques? Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on discute de tout ça et bien plus. Formule 1, NASCAR, karting, World Rallycross, En piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Ne manquez pas les prochaines séries du baseball des Aigles Calan de Trois-Rivières sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Les Aigles de Trois-Rivières nous reviennent en ondes du 15 au 17 août contre les Capitales de Québec et du 18 au 20 août contre les Boulders de Rockland. Pour tous les détails du calendrier des diffusions, rendez-vous sur cifou.ca. La diffusion officielle des matchs de vos Aigles de Trois-Rivières, c'est à Cifou 89.1 FM. Slam Disc fête ses 15 ans. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 7 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plonge. Tout à l'heure, on va avoir David Ferron avec nous pour parler de Merlin. Merlin, l'origine d'une légende, ça s'en vient plus tard. Mais avant ça, on va sûrement avoir d'autres trucs à se mettre sous la dent. Une chronique de Tania s'en vient une deuxième tantôt. On va parler d'alcool ou de trucs à boire. Est-ce que tu veux donner juste un petit avant-goût, là, juste un mot ou deux? Alcool. Je savais qu'il y avait de l'alcool. Mais oui, c'est je sûr. Je savais. C'est sûr. Mais vous allez voir. J'ai hâte. On parle quand même de la Mauricie. On parle pas trop loin de chez nous. OK, on reste dans la région. Oui. On remplit notre mission. On va rester, en fait, dans un coin qu'on connaît peut-être pas tant que ça. Hein? On le dénigre un peu quand on est de ce côté-ci. Huh. Vous allez voir. Je sais pas, le cap. Hey, hein? Hey! On va aussi avoir une grosse pointe d'ici la fin de l'émission, mais avant ça, une petite chanson qu'on s'en va entendre du côté du palmarès anglophone. On a plusieurs nouvelles entrées. Voici celle de Darren Evil sur l'album Shadow Side, c'est Exploited. À son bien joué. 89 FM! C'est fou! In a cage. Exploited sur l'album Shadowside, assemblage requis. Toujours à cette émission estivale en pièces détachées. Maintenant, on va s'établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Ouh. Voici son foutu palmarès. C'est des chroniques qu'on fait très peu fréquemment, mais quand on a le temps, on peut s'y aventurer. Et des fois, ben, on prend du retard. Par exemple, dans les fêtes qu'on peut célébrer. Donc, on va commencer par les fêtes hétéroclites qu'on a manquées pendant le mois de juillet pour se rappeler des bons souvenirs de l'été. C'est bon, mm-hmm. ça? Commençons par le 3 juillet, qui était la journée de complimenter son miroir. Ah, OK. Tantôt, on a parlé d'un miroir qui changeait la forme potentielle de ton apparence. Oui. Dépendant de la lumière, dépendant de l'angle. Donc, c'est une fête où on se célèbre soi-même, finalement. On se donne des compliments à soi-même. Ensuite, le 7 juillet, c'est la journée de dire la vérité. Tell okay. the truth day. Rien de plus compliqué que ça. Ensuite, le 9 juillet, la journée être chauve, c'est cool. Bald is in day. Ouais. C'est comme revenu à la mode, ça, à un certain moment, quand les gens se sont laissés pousser la barbe. C'est moins surprenant qu'avant de voir quelqu'un de chauve. Et en effet, souvent, ça vient avec les cheveux inversés, c'est-à-dire la barbe à la place de... C'est ça, la barbe de bûcheron. C'est ça, ouais. Alors, ensuite, le 10 juillet, oui, c'était la journée « Ne pilez pas sur une abeille ». Hey, une chance maladie. Une chance, hein, que des fêtes comme ça existent. C'est pas une bonne idée de piler sur des abeilles, apparemment. Ensuite, le 13 juillet, c'est la journée où on est fier d'être geek. Ah, OK. On aime tous cette fête-là, nous les geeks et les fans du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ensuite, le 16 juillet, c'est la journée nationale du Woody Wagon. Pas le Willy War, le Woody Wagon comme dans la Station Wagon avec son contreplaqué sur les côtés. Les vieilles voitures. Que c'est joli. 17 juillet, la journée nationale de la crème glacée. Ça tombe bien qu'on ait parlé tantôt avec toi. Le 20 juillet, c'est la journée amener un poète au travail. Hey boy! Si vous avez un ami poète, ça pourrait peut-être s'appliquer. C'est fait, en fait, pour mettre dans sa poche son livre d'un poète. Ah, ben oui. C'est ça l'idée. Ensuite, le 22 juillet, c'est la journée qu'on appelle Rat Catcher's Day. Donc, c'est supposément l'anniversaire du Pied Piper of Hamelin, une journée qui rend hommage aux exterminateurs de toutes les grandeurs, de toutes les tailles, de toutes les espèces, que ce soit des souris ou des insectes, ou peu importe. 23 juillet, c'est la journée Hot Enough For You. Dans le sens de, est-ce qu'il fait ça assez chaud pour toi les choses? Ben, je t'avoue que cette année, il faisait pas de choses. Non, le 23 juillet, je pense pas. Toujours le 23 juillet, la journée nationale du cowboy. Ah, ben oui! Là, tu me parles. Hi-haw, un bon vieux hold-down, lasso, peu importe. 24 juillet, la journée nationale du service au volant. Ah, OK. On aime ça, ça aussi. Une chance que ça existe des fois pour sauver quelques minutes. C'est vrai. Le 24 juillet, c'était la journée nationale raconter une vieille blague. Parenthèse, cette semaine, à mon autre job, ma job de matin. T'sais, j'ai une job de matin, une job d'après-midi puis une job de soir. Ben oui. À ma job de matin. Quelqu'un a fait une blague très, très facile et une autre collègue a dit « Hey, c'est le fun, tu fais des blagues au premier degré. » Fait que là, je me suis senti comme si je faisais des blagues au quatrième et cinquième degré. C'est ça. Je pense que c'était peut-être pas ce qu'elle voulait dire, mais bon. Tu te sentais intelligent. Le 24 juillet, c'est la journée nationale des cousins. En fait, journée mondiale, j'irais même jusque-là. Ah, pas vrai? Ouais, la journée des tantes aussi. Oui. Tante, la tante que la personne. Oui, oui, c'est ça, comme la sœur d'un de tes parents. Exactement. 27 juillet, c'est la journée de d'amener promener ses plantes. Ben là, c'est une joke. Je te jure, on amène se promener les plantes. Libérez vos plantes. Libérons les plantes. Hey, si je peux me permettre d'utiliser une autre blague que j'ai faite dans mon autre job. Oui. Que les gens ne comprennent pas encore mon humour là-bas. Hein, t'sais. Fait que le fils... ça prend quelques temps avant de s'adapter, oui. Un petit peu de temps, quand même. Hein? c'est quoi la chanson préférée de Trevor Gretzky? Libérer le Trevor! c'est quoi le nom des frères de Trevor Gretzky, ses frères? Je sais pas. Ben, après Trevor, t'as Moyen-Var et Peu-Var Gretzky. Quoi? Ouais, Trevor, Peu-Var et Moyen-Var. Oh my God! Ouais. Ça a laissé pas mal un froid. C'est pas ta meilleure, celle-là. attends, j'en ai une autre. C'est quoi le style de livre préféré des baleines? Les polars. Aïe! C'est très mauvais. Mais c'est vraiment pourri. Je vais battre un record du pire gag. Mais tout est dans la livraison et la face que je fais quand je fais ces blagues. Oh boy. J'ose même pas imaginer les faces qu'ils font. C'est délicieux. Je compatis avec eux. Ouais. Ensuite, on y va avec. On va continuer en fait sur la liste des fêtes à célébrer. On a passé le mois de juillet. On se dit avec le mois d'août. Si ça vous intéresse, commençons par le 1er août. C'est la journée des copains et des copines. Ah. Chum blonde. Peu importe. Hein, c'est. C'est genre ceux qu'on n'a pas là. C'est... Ah. Ok. Ah, c'est bon. on apprend ça en monde. Ben non, mais t'en as pas plus. Non, je sais. Ouais, non. Bon, c'est ça. Plus de ton. En tout cas. 1er août. OK, bye. Toujours le 1er. Salut, ciao. Toujours le 1er août. La journée Respectons nos parents. Oui, ben oui. Oui. Mais ça devrait être à tous les jours, en fait. Ça devrait pas juste être une journée par année. Une chose que t'as pas dit comme l'autre. Ah, tu veux dire ce qu'on n'a pas? Ça aurait été vraiment comme triste. oh non. Non, je suis désolée. Un j'ai petit down, deux. T'sais? J'ai deux parents et je suis très fière de les avoir. J'ai deux parents et je suis grand. toujours le 1er août, il y a beaucoup de fêtes le 1er août. Ouais, hein, on appelle ça Rounds Resounding Day. Donc, c'est une fête qui rend hommage aux Singing Rounds. Donc, c'est les chorales où les gens chantent. Je sais pas si c'est en canon ou peu importe, là, mais ils font des petites vocalises puis ils chantent les chorales. OK. Ensuite, le 6 août, on commence à se rapprocher du présent. C'était la journée nationale de la moustarde. Non, la moustarde. Pas vrai, il y a une journée nationale de la moutarde. Je te jure. Le 7 août, la journée nationale des phares. Hey, ça là, je trouve ça beau. Il y en a des phares là, qui sont extrêmement beaux dans la vie. Absolument. Toujours le 7 août, la journée des sœurs. Comme dans sa petite sœur, sa grande sœur, le cadet de mes soucis, etc. etc. Ouais, c'est ça. Le 8 août, c'est la journée... Attention, il y a un drôle de nom. La journée insérée subtilement du zucchini sur le pas de porte de votre voisin. C'est le Porsche. Toute qu'une journée, ça. Ça s'appelle le Porsche, le petit balcon. Oui, un Porsche de maison. Un Porsche-chemin. C'est ça, un Porsche-chemin. Donc, ça, c'était quoi? 8 août. Hein? Aussi, sûrement, la journée, on pourrait envoyer une aubergine en émoji. Probablement. Pour faire des gags. Hey, on peut tout ça parler de ces emojis. Allons-y donc, va. On a rien que ça à faire en ce moment. Elle me trouble, moi, c'est l'emoji de la courgette. Oui, et je comprends pas pourquoi dans le film The Emoji Movie, il faisait comme si l'aubergine était quelque chose qu'on utilisait rarement comme emoji. C'est super utilisé. Je l'utilise jamais. Ouais, t'as un esprit sain dans un corps sain. C'est ça. ça veut rien dire. 9, non 10, on saute au 10 août. C'est la journée nationale des s'mores. Oh, miam! Ah, c'est quoi, s'mores? Biscuit Graham, chocolat noir, genre, puis guimauve? Oui. 13 août, Celui-là, on n'a pas manqué encore, là, parce que le. Non, parce que ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Les Smurfs aujourd'hui, on est jeudi en direct. Oh mon Dieu, on se fait des Smurfs. Ah. 13 août, la journée des enfants du milieu. Tu sais, on a parlé de cadets tantôt. Oui. C'est quoi le plus aîné? L'aîné. Je cherche pas plus loin que ça. Le plus aîné, c'est ben pas l'aîné. Mal l'aîné. 13 août, la journée de l'enfant du milieu. Oui. Voilà, l'enfant qu'on oublie des fois. Mais tu sais, si vous êtes juste deux, il n'a pas. Tu peux pas célébrer cette journée-là. Fête ton chien. Ouais. Ouais. 15 août, la journée nationale de la relaxation. Ah oui. De préférence dans un hamac, sur la plage. Tout à fait. Le 16 août, peut-être un petit peu plus obscur dans notre cas, c'est la journée des blagues de Joe Miller. OK. Joe Miller, un acteur anglais du 18e siècle qui avait une réputation d'être très, très pince sans rire, très sérieux. Donc, il faisait des blagues tout en étant très, très, tu sais, je ris pas. Non, non, non, c'est ça. On aime ça quand même, ça. En tout cas, moi, j'aime bien. Humour anglais, un petit peu, ça, c'est ce genre-là. Alors, ensuite, le 16 août, ce sera la journée nationale des manèges, comme dans des montagnes russes. Ouh! Oui. On dit que ces amusements-là se sont installés aux États-Unis comme façon de distraire les gens. Distrait très bien, je trouve. Ça distrait. On dit que ça distrayait par rapport à d'autres divertissements qui étaient moins le fun. On dit que 130 ans plus tard, oui, ça fonctionne toujours. On pourrait dire même qu'à Trois-Rivières, en ce moment, au centre-ville, il y a la Grande Roue. La Grande Roue, ben oui. Est-ce que c'est fonctionnel? Ça va être pourquoi? Je crois que c'est fonctionnel à partir de ce soir. Ah, c'est pour le deuxième week-end du Grand Prix. C'est pour le deuxième week-end du Grand Prix. Et faites-le pas en état d'ébriété, s'il vous plaît. Premièrement, ça se peut qu'on vous refuse. Oui. Deuxièmement, c'est vraiment pas une bonne idée. Tu sais, à mon job de matin, comme j'appelle. Oui. J'arrive là-bas à genre 4h50, 55, dans ces oui. coins-là. Et il y avait. Tu croises des gens qui sont encore en état de sécurité. Tu croises un gardien de sécurité. En fait, oui. OK, oui. Évidemment, au parc Champlain, je passe par là. Il y a tout le temps des gens bizarres qui font du skate à 5h du matin. Ça arrive, là, ça. Ouais. T'as des mendiants. Oui, bon. Aussi. T'as des gens louches qui marchent n'importe comment dans la rue, fait qu'ils ont sûrement bu. T'as aussi tous les restaurants qui font leur ménage à ce temps-là. Oui, ben oui, pas choix. Avec un taxi devant, souvent pour, j'imagine, ramener les clients récalcitrants. Ou les barmaids. Les barmaids. C'est bizarre. C'est spécial, le centre-ville à ce temps-là. C'est le matin. C'est comme un matin au centre-ville de Montréal. Ça ressemble pas mal à ça aussi. Ben avec un petit peu moins de monde, j'imagine. C'est parce que notre centre-ville est pas mal de nuit. Ouais, hein. On n'a pas un centre-ville vraiment de jour. Mm-hmm. On a un centre-ville de nuit. Ouais. Le jour, c'est plus boire un verre sur la terrasse, rien de plus classique. Mais le ménage est fait à 5h le matin. Ouais. Tu passeras le message au Grand Prix que l'écran qu'ils ont mis au centre-ville là, à 5h du matin, il flash en maudit. Oui, ben oui, c'est pour bien vous réveiller. C'est ça. 18 août, on était toujours dans la liste des fêtes à célébrer au mois d'août, ou encore de savoir que ça existe, mais pas les célébrer parce que ça sert à rien. Le 18 août, c'est la journée de la mauvaise poésie. Ah. Tantôt, on a parlé de traîner son livre dans sa petite poche. Oui. Ici, ben, c'est de la mauvaise poésie qu'on célèbre. Le 20 août, la journée internationale du géocaching. Ce que des fois, au Québec, on appelle géocaching parce qu'on ne sait pas parler anglais, mais géocaching, où on cherche des choses dans la. Il y a des indices qui sont donnés, puis il faut être dans la forêt, ouvrir un coffre qui va dévoiler un indice. Ce genre de fort boyard, naturellement. Un rallye. Voilà. C'est ça. Pokémon Go, style, ça pourrait être un bon exemple. Le 26 août, la journée nationale des chiens. Ah! Ça, c'est classique, vous allez en entendre parler à Salut Bonjour. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Non, j'essaie de faire tout sauf c'est ça. C'est un classique, vous allez en entendre parler à Salut Bonjour. Ça veut dire qu'on n'en parle pas. Hein? C'est ça. C'est ça. Voilà pour les fêtes qu'on peut célébrer au mois d'août ainsi qu'au mois de juillet, juste avant. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Comme toujours, et c'est grâce à Mental Floss qu'on a ces petits liens. Maintenant, le temps file. Le temps file, on va passer à un autre segment dans quelques instants. Oui. Sûrement la chronique de Tania Baudin. Probablement. Comme les choses se présentent. Mais oui, en parce ce moment. Que je sens qu'après qu'on ait mangé, après qu'on ait discuté de bouffe, de snack, vous avez un petit peu. Vous avez soif. Le gorgoton est sec. Ça commence à être sec dans la gorge. On prend une pause et on revient. Oui, je parlais bien de boisson aussi, merci. Expliquez ça à vos enfants là, avec d'autres. Je sais pas. Contourner le sujet. C'est comme le quatrième gag que je fais qui ne fait pas aujourd'hui. À son âge requis, pour toi aujourd'hui, à son âge requis. Vous êtes assez tard pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage de pieds. Vous êtes toujours dans Sauvelage Requis avec Tania Baudin. Et Mathieu Plon. Oh oui! On essaie de pas se faire rire l'un et l'autre, là, comme les deux gars là, de Joke de papa. Là. T'as sûrement vu passer ça, étant donné que c'est toi qui m'as envoyé. Oui, c'est très drôle. Ben, ils sont pas tout le temps très drôles. C'est deux gars qui s'assoient et qui ont pas le droit de rire, c'est ça? C'est ça. Sais-tu pourquoi les belugas sont en voie d'extinction? Non. Parce qu'il y a pas assez de beloufilles. C'est mauvais. C'est vraiment des jokes de premier niveau. Qu'est-ce que ça dit, un chat qui rentre dans une pharmacie? Je sais pas. Est-ce que vous avez du sirop pour Matou? Pour Matou! C'est complètement stupide. C'est bien. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas. Il y a 6 minutes et demie de ça. Ah, je vais le regarder au complet, mais en même temps, vu que c'est des gags vraiment poches, mais tu sais, c'est voulu. Est-ce que tu vas rire? Je sais pas ben, si ben, il y en a un qui rit. Ouais. C'est un bon public. Hey, oh, le sac en attention, là. Émission familiale. On se permet de mettre ça sur Facebook, mais pas en monde. C'est ça. Bref, on va prendre une petite pause musicale avant de continuer. Tania, le oui. plan de l'émission est un petit peu n'importe quoi aujourd'hui. Ben, voyons de quoi parles-tu. Mais on aime ça, il faut des petits défis de même. Hein? Oui. C'est fun. Donc, une petite pause musicale et après ça, on va s'entendre. On va revenir avec ta chronique à toi qui s'en vient, Tania is gonna entertain you. On a l'entrevue avec le gars de Merlin. Oui. Le Merlin lui-même. Lui-même. Merlin l'enchanteur. C'est le message qu'on me donne. Je sais pas, les informations sont des fois inexactes de la source que je reçois. C'est correct, on les accepte comme elles viennent. David Perron. Donc, on écoute l'impératrice. Voici Sultan des îles. Ça, c'est fou. 89 FM. Thank you. Les îles, l'impératrice, deuxième semaine qu'on l'a fait jouer, c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. On l'aime beaucoup, cette pièce-là, très très accrocheuse, comme la plupart des pièces de nos palmarès qu'on fait jouer à petites gouttes tout le long de l'été. Maintenant, c'est le moment de recevoir notre ami David Ferron. Salut David. Mais bonjour Mathieu. Pour sa chronique La Carte Bleachée. La carte bleachée avec David Ferron. Entre soi, une fois de temps en temps cet été, t'es pas mal moins disponible que tu l'es en temps normal. Triste, hein? On fait avec, ça. On survit sans toi. Ben, quand je suis là, c'est le fun. Quand il est là, il est méga là, par contre. Ben oui, il faut en profiter. Tu viens nous parler, en fait, d'une pièce de théâtre qui a lieu à Saint-Mathieu-du-Parc jusqu'au 19 août. En fait, c'est... En fait, présentement, on a en ligne M. Martin Boisclair, qui est le directeur artistique du projet. Et c'est une pièce qui s'appelle Merlin, l'origine d'une légende. Ça joue à Saint-Mathieu-du-Parc tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 19 août. Et M. Boisclair, qui est le directeur artistique du projet, va davantage nous en parler. Bonjour, M. Boisclair. Oui, salut, ça va? Ben oui, merci, vous. Good, oui, oui, oui. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est une pièce qui est assez intrigante, puis tout au long de l'entrevue, on va le savoir pourquoi, mais on va pouvoir, grâce à vous, avoir des éclaircissements, parce que ça a l'air vraiment assez magnifique. Mais d'abord, je voudrais savoir comment ce projet-là est né. Ben ça, ça fait plusieurs années que je travaille fort là-dessus, puis à monter une équipe, puis ça, c'est parti du moment où, à Saint-Mathieu-du-Parc, quand on voyait qu'il y avait l'épicerie fermée, station-service fermée, puis on dit « Calique, c'est en train de mourir », puis que là... l'amphithéâtre, qui c'était un lieu magique qui était construit au début des années 2000, 99-2000, qui est tombé un peu dans l'oubli avec quelques spectacles. On a dit, bon, mais le moyen pour relancer un peu ce village-là et cette place-là, parce que ça, c'est une des plus belles places au Québec qu'on a. C'est un amphithéâtre naturel à flanc de montagne, un genre d'amphithéâtre grec qui a été construit. Puis là, ben, on s'est dit, on va relancer ça en essayant d'amener un spectacle touristique. Puis là, ben, on s'est dit, qu'est-ce qui peut aller là? Mais on a écrit un spectacle qui était parfaitement collé et en harmonie avec le lieu, qui c'est justement sur l'histoire des druides avec Merlin, l'origine d'une légende. Fait que c'est comme ça que c'est né depuis 4 ans. Puis là, ben c'est ça. Depuis l'année passée, on a occupé du projet, puis maintenant, ben il marche tout seul. Vous essayez de redémarrer la ville, là. Il va rester rien que la 15 Pop, le Coq-Mort, puis le magasin général. Ben, ça a créé un petit engouement parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont embarqué là-dessus. Il y a le petit bistrot aussi. Après ça, tu as l'épicerie qui est revenue. Puis il y a plein de monde aussi qui commence à s'installer puis à faire revivre, à faire renaître un peu ce petit village-là. Fait que suffit du premier pas pour que les autres embarquent. Puis justement, ça commence à embarquer de plus en plus. Mais au début, quand vous avez proposé le projet à la municipalité, aux acteurs municipaux, ça a été quoi la réaction initiale? Bien, tout le monde disait « Wow, c'est un super beau projet. On est bien content, on donne une petite tape dans le dos, bonne chance. » Bon, là, c'est sûr que ça prend plus qu'une petite tape dans le dos pour nous aider dans ce projet-là, mais il y a eu l'association des gens d'affaires qui, eux autres, ils disaient « Bon, ben nous autres, on embarque avec toi. » Tranquillement, à force d'aller titiller la municipalité, là, il y a Andréane, la municipalité, qu'elle embarque, là, tranquillement, les élus aussi. Puis après 2-3 ans, hop, OK, bon, ben regarde, on va te soutenir dans ton projet. Puis maintenant, tout le monde est content parce que ça a eu vraiment un bel impact. Puis il y a même, si je me trompe pas, le Conseil des arts du Québec qui a embarqué là-dedans aussi. Ben, ah oui, c'est ça, parce qu'après notre première année, qui était un succès, on était à guichet fermé 9 soirs sur 10. Ben là, on a eu une belle bourse du calque aussi pour nous aider à répéter cette année. Puis ben c'est sûr, on a pu apporter les améliorations qu'on aurait voulu faire l'année passée, mais que manque de budget, on n'aurait pas pu faire, mais que cette année, on a pu améliorer tout ce qu'on voulait faire. Et c'est quoi justement les améliorations par rapport à l'année passée? Ben c'est que ce qu'on fait vivre aux gens, c'est pas juste venez vous asseoir à voir un spectacle, c'est qu'on les implique puis on leur fait vivre une expérience. Fait que dès qu'ils arrivent en bas au stationnement, ben là, dans le sentier qui est éclairé par des torches, il y a de l'animation qui met en contexte c'est quoi l'histoire dans quoi vous embarquez, rendu jusqu'à l'amphithéâtre, puis là, ben c'est pas mal immersif parce qu'on veut que le public soit impliqué, participe un peu, puis que ça se passe partout autour d'eux. Fait que les améliorations qu'on a faites, c'est beaucoup sur l'animation, beaucoup sur la trame sonore, puis des ambiances sonores qui arrivent de partout dans la forêt autour d'eux. Il y a des décors de plus, les comédiens avec Yannick Chapdelaine qui fait Merlin, qui est vraiment hallucinant. Puis tout le monde a levé son jeu d'un cran. Donc tout ça fait que on est une coche de plus que l'année passée. Le choix est meilleur que l'an passé. Puis, parlant des spectateurs, là, parce que la scène, comment elle est faite, c'est que c'est en plein air, qu'il pleuve ou non, ça a lieu quand même, c'est en pleine forêt et les bancs sont en pierre. Est-ce que, là, je décris ça un peu catastrophique, mais pas du tout, mais est-ce qu'il faut être quand même aventurier pour participer au spectacle? Non, c'est ça, parce qu'on a même des gens à mobilité réduite, on a surtout on a beaucoup de petites familles aussi. Non, parce que le sentier, il est pas très, très abrupt, on marche 200-300 mètres. Bon, un petit coussin pour les fesses, puis un petit imperméable, parce que là, bon, cette année, la température fait qu'il pleut à tous les jours, mais ça crée quand même quelque chose de magique, ce moment-là, où est-ce que il se met à pleuvoir un peu, tout le monde met son poncho, les comédiens sont là, ils restent, puis ils donnent. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ben, le monde se serre un peu, ils se rapprochent, puis ils vivent, wow. Ils vivent ça avec eux. Fait que ça crée une petite magie de plus que à vivre l'expérience. Donc, c'est plus le fun quand il pleut. Ben, on se créerait plus en Bretagne, justement, il mouille tout le temps. Ah, fait que... Donc, c'est un voyage, c'est ça, dans la région en France, mais l'histoire, le scénario en tant que tel, comment c'est né le scénario en tant que tel? Ben, c'est ça. Au début, j'avais écrit un autre spectacle. Après ça, on s'est dit, bon, c'est trop gros budget. Après ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va-tu avec une autre pièce? Puis là, tout d'un coup, j'ai eu l'idée de Merlin, mais moi, je vais aller sur le côté historique. Fait que je suis allé chercher Sylvain de Carufel, qui est un des auteurs de Jardin mécanique. Puis lui, il a écrit. Donc, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il est allé prendre un moment dans l'histoire, en 60 après Jésus-Christ, en Bretagne, donc ce qui est maintenant l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, c'est là que ça se passe, au moment où les Romains ont envahi la Bretagne avec les Bretons, tout ça, puis qui ont chassé les Druides. Donc, cette guerre-là, ces personnages-là sont historiques, c'est arrivé pour vrai. Et lui a rentré là-dedans Merlin, et la première fois qu'on aurait pu entendre parler d'un personnage qui a amené à devenir la grande légende de Merlin qu'on connaît avec la légende arthurienne, Walt Disney, tout ça. Nous, on n'est pas allé de ce côté-là. On est allé du côté plus historique. Puis c'est ce qui rend la chose très intéressante parce qu'on en apprend beaucoup. C'est aussi drôle, mais il y a un moment très poignant aussi. Ah oui, donc sans dévoiler le punch, mais en fait, Merlin, d'après ce que j'ai lu dans les résumés, ça a pas l'air d'être le grand Merlin magique, comme vous le décrivez dans la pièce, là, à moins que je me trompe, mais Merlin, ça a l'air d'être un petit peu quelqu'un d'assez spécial. Oui, c'est ça, c'est que Merlin, à l'origine, les premières fois qu'on en a entendu parler, c'était un druide. Donc, un druide, c'était pas ce qu'on voit dans Astérix, parce que c'est une belle caricature, mais c'était vraiment les conseillers des rois, vivaient dans la forêt, un soigneur en harmonie avec la nature, parlaient aux dieux, tout ça. Donc, on n'est pas avec le chapeau pointu puis la grande barbe, puis qui fait faire des petits tours de passe-passe aux animaux, là. On n'est pas avec ça non plus, ni avec le personnage fantastique. On y va vraiment avec le côté druide de en Bretagne, avec le côté celte de ce qu'on a vu à travers les archives. Puis, voyant les comédiens, on voit que, parce qu'il y a quand même des espèces de petits escaliers sur la scène, il y a aussi un des comédiens qui porte une armure. Est-ce que les comédiens ont dû avoir une préparation physique spécifique pour pouvoir jouer leur rôle? Bien, c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait quand même des petits coachings par rapport à un maniement d'épée, parce qu'avec les Romains, bon, ben il y a une armure, les épées aussi. C'était pas des comédiens qui avaient joué ce genre de rôle-là non plus, mais que maintenant, ils sont hallucinants là-dedans. Christian Barry, Christophe Payard qui jouent des généraux romains. T'as Stéphanie Labbé qui est la reine Boudica, qui elle aussi, c'est elle qui avait mené l'armée jusqu'à même détruire Londinium. Londres, à l'époque, avait soulevé les Bretons contre les Romains et avait presque réussi à les exterminer. Donc Stéphanie Labbé aussi a eu du coaching, mais tout le monde a eu une belle mise en scène. Olivia Paletti a fait un job vraiment impeccable pour utiliser tout le lieu. Puis parce que là, il y a des scènes qui se passent un peu partout autour, sur la falaise, dans le bois en arrière. Fait que c'est ça. Laissez-vous surprendre quand vous allez venir, parce que c'est magique. Okay, c'est loin d'être statique, là. Exactement. On n'est pas dans un théâtre à l'italienne où est-ce que vous êtes assis sur votre siège puis ça se passe juste en avant de vous dans une boîte noire. Là, ça se passe tout autour de vous, dans la nature. Puis c'est ça, le lieu, je pense que c'est un des joyaux les mieux caché de la Mauricie qui gagne à être découvert, mais tout ça éclairé par des torches. On cache la technique le plus possible pour que vous vous transportiez le plus possible à cette époque-là, vu que le décor s'y prête merveilleusement. Une immersion totale. Absolument. Wow. Puis justement, à cause du beau décor et toute l'ambiance qui est mise, est-ce que c'est ça qui a permis d'attirer des artistes montréalais, par exemple, la metteur en scène Olivia Paletti, par exemple? Au départ, il y a trois comédiens qui sont originaires de la région, puis qui maintenant font carrière dans des séries télé à Montréal et au cinéma, tout ça. Donc, au départ, Sylvain Le Carufel, l'auteur, tenait à ce que ce soit Yannick Chapdelaine qui joue Merlin, et lui, Yannick est allé chercher son monde autour de lui avec qui il aimait bien travailler, puis il savait avec pour rendre le spectacle où est-ce qu'on voulait qu'il se rende, qui allait chercher pour que ce soit le bon casting. Donc, finalement, on sent la chimie sur scène, là, aussi, sûrement. Absolument, c'est ça. Puis, on a eu la semaine passée Fanny Mallette, on a eu Fred Pellerin qui sont venus voir les spectacles. Puis, tu sais, c'est du monde qui en ont vu des spectacles dans la vie, puis qui en font, puis qui nous disent ouais, le jeu des comédiens est vraiment superbe. Vous tenez une belle patente, lâchez pas, Kim, c'est agréablement surpris. Wow. Monde comme ça qui viennent voir puis qui nous disent waouh, on est sur la bonne voie, puis on continue à se battre pour que ça vive, ce projet-là. Ah, ça veut dire qu'il faudrait ajouter des personnages pour l'année prochaine, ça veut dire. Ben, peut-être, c'est ça. On va voir à chaque année, on va voir si ça revient l'année prochaine, vu que là, on est à notre deuxième année. Est-ce que la demande est assez là? Est-ce qu'on revient? Parce que moi, j'ai l'objectif de garder l'amphithéâtre vivant pendant des années. Est-ce qu'on revient avec un nouveau spectacle? Est-ce que Merlin a fini cette année? Est-ce que ça revient l'année prochaine? On le sait pas. Fait qu'il reste juste deux semaines. Okay. Fait que si on sait pas si ça revient, on dit au monde, dépêchez-vous, parce que ça se peut que ça revienne pas. On quitte nos micros. On y va tout de suite. Yes. Je suggère un rôle basé sur Merlin, le petit jeu électronique des années 70. Ça veut dire c'est comme un téléphone avec des boutons, tu peux jouer au blackjack dessus? Un rôle basé sur... Moi, je pensais qu'il allait avoir ce Merlin-là, mais il n'y a pas ce Merlin-là. Mais il y a des... seule déception. Ouais, mais il y a des Merlins en 3D, c'est encore mieux. Ah, cool! Ben oui, c'est tout en 3D, la pièce. Cool. C'est encore mieux. Absolument, vous pouvez presque y toucher, c'est ça. Faites attention, parce que c'est ça, il y a des effets spéciaux aussi, fait que ne pas vous brûler. C'est bon. Ben là-dessus, M. Boisclair, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps sur les ondes de C89.fm, puis on vous souhaite une très bonne fin de saison pour Merlin. Ben, merci à vous. Merci. J'ai bien apprécié. Bonne journée. Merci, au revoir. Martin, donc Boisclair, directeur artistique de Merlin, l'origine d'une légende, qui est à Saint-Mathieu-du-Parc jusqu'au 19 août. Ben, ça donne le goût d'y aller. Ben oui. Merci, David. Ben, ça me fait plaisir. Cool. T'es pas allé le voir. T'en parlais comme si t'étais allé mais le voir. Mais je vais y aller. T'as lu des critiques? Oui, entre autres, puis c'est sûr que j'ai une invitation aussi pour y aller, puis j'ai trop hâte d'y aller. Ça, ouais. ça va être, je sens magnifique, puis je souhaite même qu'il y ait un orage. Bon, ça va bien. Ouais, mais là, oui. Parce qu'ils ont beau cacher les équipements, mais s'il y a l'éclair dessus, tu vas quand même mourir, David. Ça marche pas de même. C'est pas passé caché que tu mourras pas. Ben, j'habillerais comme un gladiateur romain. Puis... Imagine le gars habillé en armure, comment il doit pogner un maudit choc. C'est sûr. Aïe, mais quand même, c'est le fun qu'il y ait ces initiatives-là dans la région. Vraiment, absolument. Surtout qu'ils n'ont pas des millions et des millions et des millions. Là. Puis en plus, le style, j'ai vu les photos, puis c'est enchanteur. Ça a été très populaire il y a une vingtaine d'années, comme M. Boisclair l'expliquait, mais ça a été abandonné, puis je comprends pas pourquoi. Parce qu'aller voir ça. À cause de la température, surtout au Québec. Ouais, peut-être. Puis je sais pas. Ben, en fait, surtout un manque de financement aussi. Ouais. C'est pour ça que le site a été quasiment abandonné, mais là, ça revient, puis ça vaut la peine. Ça ressemble, mettons, je sais pas comment l'expliquer, mais des fois, dans les films d'Antiquité grecque, il y a comme l'espèce de petit forum en pleine nature avec les bancs en pierre. Ça ressemble à ça. Là. C'est magnifique, puis ça serait le fun qu'il y ait des shows de spectacle aussi, là, parce que... C'est peut-être parce qu'il y a plein de choses qui ferment, puis qu'après ça, plusieurs années plus tard, on se dit « Ah, tu sais, dans le bon vieux temps, puis ils le ramènent. » Fait que tu sais, tant qu'à ça, ferme pas. Mais... Ben, il y a eu de l'accueil aussi, bon accueil, des subventions aussi gouvernementales pour cette année aussi. Fait que c'est sûr que c'est ça qui permet de marcher. Pour le spectacle qui a lieu, en fait, on parle de l'endroit, mais on ne dit pas c'est où. C'est l'amphithéâtre au cœur du parc récréo-forestier à Saint-Mathieu-du-Parc. Et ça a lieu, en fait, Merlin, l'origine d'une légende, tous les jeudis, vendredi et samedi jusqu'au 19 août. Donc, il reste deux fins de semaine. Faut se dépêcher. Gare chez vous. Voilà. Merci beaucoup, David Ferron. Ben, ça me fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, pour la raison que tu veux. Ben, excellent. On est là pour toi, man. Ben, s'il y a de la bouffe, c'est sûr que je reviens. S'il y a de la bouffe en fin d'émission, pas le choix. C'est tout comme ça que David fonctionne. Ouais, la bouffe. On va passer d'une pièce de théâtre régionale à un groupe de musique régionale. Écoutons Days un petit peu. Tania, on aime ça, Days? Oui, on adore ça, Days. On les a reçus à l'émission. Ils étaient très sympathiques et ils nous ont fait un petit bout de cette chanson-là. Donc voici la version française de Long Gone tout de suite à Assemblage Rock. Mm-hmm. matin qui te réveille. Normalement c'est elle qui te sort du sommeil. Mais tes culottes, je peux plus voir. Inventer des histoires pour te faire croire. T'as rien de player, t'es simplement pathétique. Quand les dames t'es vendu la leur. Pour sentir le rose jusqu'à son cœur. Plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'auras fait voir comme les loups ont de grandes dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes toutes pathétiques quand vient jamais les fortunes à l'or. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh yeah. Surprenant que cool, on joue le poids des problèmes. Tu vois plus le beauté dans le noir. C'est clair qu'avec le tal, car mon fesse est en calvaire. Y'a pas perdu son élan. Y'a de l'vendant dans la balle et de la son camp. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh, oh yeah. M'attraper en train de prendre des photos de David qui était tellement évaché sur sa chaise qu'on avait l'impression d'avoir juste une tête de David Ferron en studio, mais non, on a la personne au complet. Ouh! Avec mon presque beach body. Presque, presque. On parle de nos variations de poids pendant les saisons. Là. Ouais. C'est jamais le fun. Non, c'est la vie. Non, c'est... Mais moi, j'aime l'été pour ça. Parce que t'es plus maigre que le reste du temps? Ouais, exactement. Ouais. Ah, chanceux. On prend une pause au retour. Tania va être là pour sa deuxième chronique. On va boire de l'alcool et ça, je pense pas que ça va nous aider pour notre ligne. Restez là. Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. C'est fou! 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 7 juillet 2017 et celle qui s'est grattée en dessous du bras et après ça a claqué les doigts, donc ça fait un drôle de mélange. Oui, Tania Beaulac. Bonjour. Allô. Moi, je suis qui là-dedans? Je sais pas, je ne pourrais te dire. Mathieu Plante dans le rôle de Mathieu Plante. C'est ça, exactement. Pour une nouvelle fois à la radio. Tout à fait. Dans cette troisième heure de l'émission, on va avoir une grosse pointe-tendresse. David Ferron va être de retour. Lui qui quitte tout le temps sa chaise. Aussitôt que tu es en discussion avec lui, peu importe où tu es, David Ferron va éventuellement disparaître. Quitter. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, il est là. Puis là, il est plus là. C'est tout le temps comme ça. C'est un Merlin l'enchanteur des temps modernes. Il va probablement réapparaître dans pas long, mais on sait pas encore quand. Et on s'en rendra même pas c'est compte. Ça. Voilà. Ou encore, il va s'endormir sur le divan comme la semaine passée, un ou l'autre. Un des deux. Donc, on va goûter un produit avec lui en fin d'émission. D'ici là, par contre, avant que Tania nous quitte, je l'annonce à l'avance pour oui. que vous puissiez vous asseoir et ne pas tomber par terre. Et pleurer, non, c'est vrai. Donc, pleurer on va pas, se... C'était un deuxième petit segment, là. C'est ça. De Tania's Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's been managing. Tu vois, David est de retour alors oui. qu'on en parlait. Et voilà, on a dit qu'il allait réapparaître, il est réapparu. Il était dans mon angle mort. C'est ça. Et là, boum, il est revenu. Et dans l'angle, on préférait qu'il soit mort. Évidemment. Fallait s'attendre à ça. Donc, Tania, on parle d'alcool dans ton deuxième bloc. Oui, on parle d'alcool parce que vous le savez, j'aime... J'ai comme une espèce de passion semi-découverte malsaine. Pour le vin. Aussi malsaine à certains moments dans l'année, ça dépend qu'est-ce qui se passe, surtout durant le temps des fêtes. Allô, David, merci beaucoup. Peut-être que vous avez déjà entendu cette fameuse expression typiquement française. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc... Tout fou le cas. Ouais, comme les écouteurs de David, son micro des fois. Juste entendre parler de vin comme Tania le fait si bien, ça saoule mes tympans qui sont ivres de ce que Tania va dire, donc ça me déconcentre. Merci. Mais est-ce que vous avez déjà entendu cette fameuse phrase-là? Faut pas mélanger les deux couleurs de vin. Exactement, parce qu'en fait, cette expression française-là dit que si on boit du vin blanc avant de boire du vin rouge au cours d'un repas ou juste comme ça en buvant un verre de vin, eh bien, on va peut-être avoir des maux de tête. Ah. Ou d'autres choses aussi. C'est une vieille expression française. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma famille disait ça dans les parties de Noël et tout ça. Donc, c'est une expression française qui est connue de plusieurs, mais qui semble plus ou moins avoir des explications scientifiques. En fait, la chronologie de la dégustation a pas vraiment d'explication scientifique pour justement expliquer cette expression-là. Et en revanche, on s'est demandé pourquoi est-ce que le vin blanc avait cette fameuse réputation-là de dire qu'on allait peut-être avoir des maux de tête ou on allait peut-être avoir d'autres choses si on le buvait avant le rouge. Il y a sûrement une base dans la réalité, sinon il n'aurait pas inventé cette phrase-là. Eh bien, en fait, oui, il y a une base. C'est qu'il y a d'excellents dossiers sur les rapports entre le vin et la santé qui expliquent qu'on a longtemps pensé que le responsable, c'était l'anhydride sulfureux. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, c'est un dérivé du soufre qui possède des propriétés antiseptiques et antioxydantes. Et ça permet de stabiliser le vin et ça empêche aussi le sucre dans le vin de pouvoir fermenter. Donc, plus on en met dans les vins, plus on aurait tendance peut-être à avoir un mal de tête, justement, lorsqu'on... Peut-être qu'on abuserait un petit peu là, de 2-3 coupes de vin. Quand on a le vin dans les voiles. Justement. Et ça dit qu'on en a beaucoup plus dans les vins qui vont être liquoreux, dans les blancs qui vont être moelleux et dans les roses aussi. Un blanc moelleux. Oui, un blanc moelleux. Ah ben. Exactement. Je m'entends. Et dans les rosés, mais qu'on en a beaucoup moins dans les rouges. Alors, ça serait pourquoi on aurait peut-être tendance à expliquer que blanc sur rouge, rien ne bouge, mais rouge sur blanc, tout fout le camp, c'est qu'on a déjà absorbé une grande quantité d'anhydride sulfureux et que là, avec le rouge, bien, ça fait en sorte qu'on comprend plus trop l'espèce de... explication scientifique qui se retrouve dans ce vin-là, alors ça nous donnerait un petit peu plus un mal de tête. Mais je tiens à dire, qu'est-ce que ça en est de la réalité de cette fameuse expression-là? On choisit souvent l'ordre des vins en fonction de ce que l'on veut manger. Et traditionnellement, dans les bons repas, bien, on commençait par une assiette de poisson, puis par la suite, on enchaînait avec un plat à base de viande. Donc, par conséquent, on servait pour débuter un vin blanc et on terminait par un rouge qui est corsé, genre un cabernet Sauvignon, pour justement accompagner une viande qui va être grillée comme un steak. Après, on pouvait toujours poursuivre avec une assiette de fromage ou un dessert, donc on jouait un petit peu dans les formulations de ce qu'allaient être les vins tout au long du repas. Dans le premier cas, on débouchait souvent une bouteille de rouge de très bonne qualité, sans égard au type de fromage que justement on allait manger, et ensuite on terminait par un café. Mais qu'est-ce que ça dit de ce dicton-là encore? Parce que je tiens à dire que ça donne pas toujours la réponse. C'est en fait... c'est complètement faux. Oh. Notre expression qu'on connaît depuis si longtemps serait fausse. Foutaise! C'est très loin de systématiquement dire que c'est vrai, parce qu'en fait, il y a des règles de base qui disent que tout ça conviendrait tout simplement de qu'est-ce qu'on va servir comme vin en tant que qualité. Okay. Donc, la règle numéro un, c'est la progression de la puissance et de la qualité du vin qui viendrait peut-être justement ajuster ce fameux dicton-là. Donc, avant tout, c'est la densité et la matière du vin qu'il faut prendre en considération. On va servir un vin blanc qui va être léger ou qui va être sec avec un rosé qui est à peu près n'importe quel vin rouge qui va pouvoir justement poursuivre sur cette lignée-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est la puissance du vin. Donc, on veut commencer avec un vin qui va être léger et on veut continuer à accentuer le corsage du vin, donc à quel point ça va être corsé pour qu'on puisse terminer, parce qu'en temps normal, on terminait avec des fromages qui étaient quand même agencés avec des vins qui étaient corsés. Donc, c'est un petit peu dans cette lignée-là qu'on veut y aller. Exactement. On veut y aller de façon graduelle. La règle numéro 2, c'est le jeune avant le vieux. Qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est, on ne parle pas des gens qui vont se retrouver autour de la table avec nous, non, ne vous inquiétez pas. C'est un bon vin qui va avoir vieilli, va être beaucoup plus complexe. Il va avoir des arômes qui vont être différents. Et plus fort aussi? Ou... oui, ouais. Exactement. Parfois, ça va être beaucoup plus terreux aussi. Donc, ça, on va être enveloppé dans des bouteilles avec le temps qui vont avoir justement fermenté un peu plus longtemps. Et c'est une qualité qui doit s'apprécier et on mérite de s'y attarder, en fait. Donc, c'est pourquoi on devrait servir un vin qui va être beaucoup plus vieux en fin de repas. Okay. C'est qu'on va avoir le temps de s'attarder à ce vin-là. Bien, souvent, les gens commencent par un vin dépanneur au départ, donc ça pourrait être pas mal ça. Aussi. Des fois, non, les gens finissent par ça parce qu'ils goûtent moins, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ah, je disais le contraire de la vie. Mais si vous décidez de boire le vin qui va être jeune après un bon vin, et vous allez risquer de trouver le petit jeune pas mal plus décevant, pas mal plus court, pas mal trop fruité. Oui, moins d'expérience. Exactement, moins d'expérience en bouche. C'est un petit peu vrai, en fait, parce qu'il va être beaucoup moins lourd en alcool. Tout ce qui va s'agencer à ce vieux vin-là, et vous allez le perdre avec le jeune parce qu'il va pas avoir assez fermenté pour être au top niveau de ce que l'autre était. Donc, quand on dit qu'on termine par un vin qui goûte pas grand-chose, bien souvent, c'est qu'il va être beaucoup plus jeune que celui qu'on a bu avant. Mm-hmm. Et c'est là aussi qu'à un certain moment, peut-être que ce vin qui va être beaucoup plus léger va être beaucoup plus élevé en ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est un dérivé de sulfure, qui va nous donner mal à la tête. Ah, c'est de là que ça part. Parce que bien souvent, les vins qui vont être beaucoup plus légers vont être blancs. Vont être rosés. Mmh. Les jeunes qui vont être rouges vont moins avoir fermenté, justement. Donc, le niveau de sulfure va être beaucoup plus présent dans ceux-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on aurait tendance à avoir beaucoup plus mal à la tête en terminant. Est-ce que c'est moi où j'ai moins mal à la tête avec du cidre? Est-ce que t'es supposé avoir plus mal à la tête ou moins mal à la tête? Je ne pourrais te dire du côté du cidre. Ça passe bien d'habitude. Ouais, parce que c'est une autre forme de fermentation. Ça vient pas du raisin non plus. Donc, ouais. Je sais pas, je voudrais pas m'avancer là-dessus. Je pourrais pas te dire. Mais d'expérience. D'expérience, je peux pas boire de cidre de pomme. Ouais. C'est ça le problème, oui. C'est fait avec des pommes. C'est exactement. C'est un petit peu la différence. La règle numéro 3 aussi, si on veut conserver cette expression-là à dire qu'elle est fausse, c'est d'y aller avec le sec avant le sucré. Ouais. Donc, c'est moins catchy comme phrase, mais... Oui, en effet, c'est de coutume, en fait, de commencer avec un vin qui va être mousseux, qui va être sec, qui va être brut, extra brut, c'est ce qu'on dit. C'est une très bonne idée parce que la pétillance va réveiller nos papilles gustatives et ça va préparer, justement, pour la suite de graduation dans les vins. On s'entend qu'un repas avec des amis, lorsqu'on a 25 ans, ça peut ressembler juste à des bouteilles de vin rouge. Oui, oui. Si on est rendu à 55 ans et qu'on a plusieurs connaisseurs de vin autour de la table, bien, on va justement voir cette graduation-là des vins tout au long du repas et on veut justement préparer nos papilles gustatives au bon vin à recevoir. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on doit y aller avec le sec avant le sucré. Il va juste falloir que tu trouves une phrase qui rime. Hey boy! Parce que c'est quoi la phrase d'origine dont on parlait? Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Fait que tu sais, avec sucré pis sec... Et c'est vrai. On travaille fort. Je ne pourrais te dire, mais c'est aussi parce qu'on y va avec ce qu'on va servir au repas. On va commencer avec une entrée. La plupart du temps, l'entrée va être légère. Si on y va avec un mousseux, justement, qui va être sec, il va avoir un agencement qui va être bien fait. Si on y va avec un repas, un dessert, par exemple, qui ne sera pas trop sucré, mais on veut l'accompagner d'un porto. Et si on regarde dans les portos, c'est sucré. Oui. Donc, on va terminer bien souvent. On ne commencera jamais un repas avec un porto. On va terminer ce fameux repas-là avec un porto. Exactement. Pour qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, on veut justement prendre le temps de savourer un vin qui va avoir fermenté, qui va être vieilli. Et souvent, un porto, ça va avoir vieilli longtemps. Donc, c'est pourquoi on veut y aller aussi de beaucoup plus sucré vers la fin du repas. Il y a une règle non écrite aussi, si on veut quand même garder une tête qui sera pas trop mal amochée le lendemain matin. En fait, c'est l'acidité. C'est ce qui nous fait saliver. Et la fraîcheur en bouche d'un vin blanc, ça permet souvent de fouetter notre palais et parfois, ça va saturer la matière qui va être beaucoup plus imposante que celui d'un rouge. Donc, normalement, puisqu'il y a un haut taux d'alcool dans du vin rouge et surtout ses tanins, ce qui donne la sensation d'assèchement en bouche, eh bien, on va surcharger parfois les papilles de ce vin-là. Chose qu'on ne devrait pas faire parce que c'est en surchargeant nos papilles qu'on va peut-être avoir tendance aussi à avoir un petit peu mal à la tête le lendemain. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, personnellement, qu'on dit qu'on aime bien finir un repas avec un verre de vin mousseux juste avant le dessert. C'est qu'on va redonner à nos papilles gustatives cette espèce de côté sec-là et cette espèce de côté de réveil à nos papilles gustatives juste avant le vieux vin qu'on veut justement avoir le temps de déguster, qu'on veut justement avoir le temps de prendre son temps pour le boire, bien, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Ils vont se servir un verre de mousseux avant le dessert et avant le vieux vin pour justement réveiller les papilles gustatives parce que pendant le repas, bien là, 2-3 coupes, on a vraiment noyé nos papilles gustatives. Les goûts se mélangent. Et là, avec un vin sec, un vin mousseux sec, ça va faire en sorte, c'est un petit peu comme quand on sent beaucoup trop de parfum. Ouais. On va aller se mettre le nez dans le café. Ouais. Mais c'est un petit peu la même chose qu'on va venir faire avec un vin mousseux, c'est qu'on va venir stabiliser le tout. On va rendre à nos papilles gustatives le goût original qu'on avait en début de repas. Et là, on va pouvoir apprécier le vieux vin. Je parlais qu'on allait parler d'une région, qu'on allait rester justement dans notre région, mais une région qu'on semble parfois dénigrer ou moins aller... Négliger, voilà. Voilà, quand on est du côté de Trois-Rivières. C'est celui qui se trouve de l'autre côté du pont. Non, je parle pas du Cap de la Madeleine, Mathieu. Je parle de... Il y a un pont, là, aussi, non? Je parle de Nicolet-Bécancour. Oui. Yamaska? C'est un peu plus loin, Yamaska. Saint-Angèle. Ces entourages-là. Eh bien, sachez qu'on a trois vignobles de l'autre côté du pont. Wow! Où on peut aller déguster des vins de façon gratuite. On peut aller pique-niquer. On peut aller se promener dans les vignes. Et ça, c'est tout juste à côté de chez nous. C'est même pas à 10 minutes de chez nous. Il y en a un qui s'appelle le Clos des Vieux Chênes. Donc là, par exemple, on doit réserver si on veut faire une visite. Par contre, on est ouvert à l'année pour la vente. Donc, si vous voulez tout simplement aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme cépage, qu'est-ce qu'ils ont comme vin, vous voulez avoir un vin qui va être local pour un repas entre amis, bien, eux, il faut tout simplement aller les voir. Ils vont pouvoir vous faire la vente. Mais pour les visites, il faut absolument réserver et téléphoner pour les heures d'ouverture parce que ça peut différer là, selon le guide touristique qui va vous faire justement le petit guide à travers les vignes. Mmh. Mais c'est une chose qui est très intéressante parce que si vous regardez aussi du côté du domaine du Clos de Lille, qui est aussi à Bécancour, au centre du Québec, c'est vraiment à côté. C'est des vins qui sont tous élaborés à partir de raisins qui proviennent entièrement du domaine. Donc, ça n'a pas été importé, par exemple, de l'Italie ou peu importe. C'est typiquement de chez nous et c'est la région du centre du Québec qui s'avère être particulièrement intéressante pour la viticulture, donc la culture du vin, vous l'aurez deviné. Et le terroir bénéficie aussi d'un microclimat qui est avantagé par les courants de température du lac Saint-Pierre. Non. On parle aussi d'un sol qui est extrêmement fertile et d'un sous-sol qui va être pierreux, ce qui procure en fait au vin des caractères de minéraux qui vont être extrêmement appréciés. Mmh. Ce qui fait en sorte que les vins qui viennent du centre du Québec vont avoir ce petit côté-là terreux sans nécessairement trop avoir fermenté très, très longtemps, mais on va retrouver des vins qui vont pouvoir se battre avec des vins qu'on connaît de l'Italie, par exemple, justement par ce goût terreux-là, par ce goût qui va être poivré aussi. Et parfois, on dit « Ah, tu sais, j'ai comme un petit goût de sel, un petit goût de minéraux dans mon vin. » C'est justement à cause de ça. Et parfois, les grands amateurs de vin, c'est ce qu'ils recherchent. En 2017, ce vignoble-là vous offre en fait 5 vins différents d'une nouvelle cuvée. On parle de 2 vins blancs, 3 vins rouges et 1 vin rosé. Donc, c'est 6 vins que vous pouvez aller voir, que vous pouvez aller déguster, mais aussi acheter. On parle que ça joue aux alentours d'une quinzaine de dollars jusqu'à une vingtaine de dollars pour acheter une bouteille. Pour de la qualité, ça vaut la peine. De la qualité, mais de la qualité locale aussi. Encourager les commerçants. Parce que ça nous en... ben pas ça nous empêche, mais ça nous fait voir des choses différentes que celles qu'on pourrait voir à la SEQ, par exemple. Oui. Et si on parle d'un autre vignoble, le troisième vignoble qui se retrouve du côté de Bécancour, c'est celui qui s'appelle le Fief de la Rivière. En fait, l'eau, la terre, la passion et le travail, c'est les 4 éléments nécessaires à la prolifération des vignes. On le sait, c'est beaucoup de travail de pouvoir avoir un vignoble. Et ces 4 éléments qui, justement, travaillent très fort ensemble au vignoble Le Fief de la Rivière. Et les propriétaires, qui sont Jocelyn Hébert et Jean-François Hébert, qui sont 2 frères, qui sont issus aucunement d'un côté vigneron dans la vie. En fait, on parle d'un médecin et on parle, si je me souviens bien, de quelqu'un qui travaille tout simplement en marketing. Wow. Donc, en 2008, on a décidé de se joindre dans ce projet qui était conjoint-là, justement avec les conjointes de chacun, et on a procédé à la plantation des premières vignes. C'est en vignant qu'on devient vigneron. C'est bien ça. Comme ils disent. Donc, la première année, on avait 3000 vignes. Je pense présentement qu'on est rendu à 9000 vignes. C'est beaucoup. On a la passion, le travail aussi qui porte fruit, justement. Et l'appellation des vins s'appelle tous globules. Okay. Pourquoi? Mais en fait, c'est un nom qui évoque la noblesse du vin, mais aussi la profession médicale dans laquelle travaille un des 2 propriétaires qui s'est passionné toute sa vie de vin. À place de sauver des vies maintenant, il masque la douleur. Non, mais il est encore médecin, c'est mon médecin de famille. Ah, salut! Oui, mais si vous regardez, par exemple, l'appellation des vins, vous allez trouver le blanc B. Le blanc B+. Ah, oh, c'est cute! On parle de globules! Ah, c'est bien pensé. Le rose AB. On parle d'une réserve de globules. Donc, ce sont tous des vins qui vont être justement un petit peu avec une touche humoristique de ce côté de médecine-là. Et sachez aussi que le Rouge A+ a gagné 2 concours de meilleurs vins dans la sélection mondiale des vins au Canada. En 2004, on a remporté l'or. En 2015, on a remporté platine. Donc, c'est un vin qui est très recherché. On parle des effluves de crème de cassis, confiture de mûre. Le cuir aussi, on en parle souvent dans les vins, quelque chose de terreux, quelque chose qui va être quand même épicé en bouche. On parle souvent, on le définit souvent comme étant cuivré. Et en bouche, on retrouve des notes aussi qui vont être boisées de vanille. Et c'est une... On va quasiment aller chercher la réglisse noire là, avec ce vin-là. Alors, c'est un vin, comme je le disais tout à l'heure, qui va être terreux, qui va plaire aux gens qui connaissent beaucoup les vins rouges. Mais regardez aussi les vins blancs si jamais vous y allez, parce que ça a l'air extrêmement bon. On a des vins blancs qui vont être secs, mais on a aussi la possibilité dans les activités là-bas, chose qui est vraiment le fun, des dégustations de vins avec des descriptions et des histoires du vignoble qui est gratuite. On parle d'une visite guidée aussi du caveau, donc où on garde le vin. Ça se fait sur rendez-vous, par exemple, mais vous pouvez très bien appeler, réserver, demander comme vous pouvez le faire. Et il y a la possibilité aussi d'avoir un pique-nique sur la terrasse ou sur le bord du lac, parce que c'est pas loin d'un lac. Vous apportez votre nourriture, il y a aussi un petit café. Vous pouvez faire des randonnées pédestres dans le vignoble. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment demander mieux comme un dimanche après-midi d'aller déguster une coupe de verre de vin différent de ce côté-là. Là, tout en marchant, tu sais, c'est le fun. Tu marches, tu marches pas droit nécessairement. C'est ça, tu marches pas droit nécessairement, mais une dégustation de vin, je pense qu'il y a rien de mieux qui peut accompagner un dimanche après-midi tranquille, Que ce soit avec des amis ou que ce soit en club, en couple, je pense que ça se fait très en bien. En club d'échangistes. En club d'échangistes, exactement. Des vins. Ben oui. C'est ben ça. Oui. Donc, c'est trois vignobles qui se retrouvent ici, à côté de Trois-Rivières, qu'on n'entend pas nécessairement tout le temps parler. Insoupçonné. Mais que je crois que je vais aller tester, puis je vais vous en redonner des nouvelles. C'est ça, ça fait ma canard. Oui, c'est ça. Mais ça fait ma on fait ça un spécial, une pointe Aldresse de vin et fromage. C'est qui? C'est Marc-Olivier Dumas qui nous a suggéré de faire une grosse pointe Aldresse. Ouais. Pas pire, ça. Oui, oh, spécial pense, vin et fromage. Je pense qu'il va falloir le faire. Il y a aussi le Québec qui devient aussi une emblématique du côté de la bière. Une référence en côté de bière. Donc, de ce côté-là, on a vraiment le pour des deux côtés. Là. Les amateurs de vin, mais aussi les amateurs de bière, je pense, au Québec. Donc, je pense qu'il faut embrace the moment. Wow. Quelle géniale chronique, n'est-ce pas? Oui, ça donne plein d'idées. Ouais. Ça donne soif, en tout cas. À quelle école qu'ils vont pour apprendre comment faire du vin, c'est pas? Pour apprendre à le faire, je sais pas, je pense que c'est juste un côté entrepreneurial de décider de planter des vignes, mais de connaître tout ce qui est accord, tout ce qui est côté en bouche et tout ça, ça c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus long et un petit peu plus dispendieux. Mais est-ce qu'ils peuvent engager, par exemple, des gens qui sont spécialisés là-dedans, tout à fait, justement, pour les conseiller? En fait, on a des conseillers, justement, les vignobles vont souvent avoir des conseillers, mais c'est souvent des gens qui sont passionnés de vin aussi, ils connaissent ce qu'ils aiment. Donc, la plupart du temps, les gens qui vont avoir des vignobles vont y aller pour, dans leur goût, évidemment. Moi, je pense que m'en veux m'acheter une coupe de bouteille. Ah, mais ça, moi, ça. Ah, tu vois, Tania est tellement professionnelle que même un setup de gag mène à une vraie réponse de sa part. Oui, elle est trop professionnelle. Ni vu, ni connu. Ça, la réponse à l'école pour le vin, c'est Chavigny. Oh. Oh, qu'est-ce que... Mais merci de passer outre. Mais Tania, ta prochaine visite médicale, c'est ça, tu pourrais dire à ton médecin, tu me donnes une bouteille de vin, je t'ai fait de la pub. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Transfusion de vin rouge. Qui est aussi pilote de course. Je pense que j'ai en parlé en fin de semaine. Homme à marier. Ben non, mais il est rendu, il est marié depuis des années. Ah, okay, excuse-moi, je ne sais pas. Je suis désolée. Sa conjointe fait partie du vignoble, puis je ne suis pas certaine que non. Non. Ça peut être un bon ami. Oui, oui, c'est ça. C'est lui qui m'a mis au monde. Non, je ne croirais pas. Oui. C'est ça. Il t'a vu de partout. Oui, oui, oui, j'avais 0-1. Merci, Tania. Merci. Excellente chronique, comme toujours. Alors, on prend une pause. Et au retour, David va rester avec nous. Tania va s'en aller, donc on va changer de co-animateur pour le prochain segment. Mais on va goûter ensemble à quelque chose. Du vin? Non, ça vient dans une, Salut. Ça vient dans une canne. Oh, ça, ben, du vin fermenté en canne. Yam. Après l'arfant des neiges. C'est ça. Le perdri des cannes. Boy. Oh, wow! Reste là. Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. C'est fou! 89 ans. Assemblage de pire. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de pire. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 7 juillet 2017. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera la chronique Une grosse pointe Aldresse. On va goûter à quelque chose que j'ai acheté récemment en épicerie, en pharmacie, peu importe. On va se mettre ça dans la boubouche. Aujourd'hui, je pense que j'étais supposé prendre quelque chose qu'on allait manger, mais comme on a vraiment soif après la chronique de Tania, je pense qu'on vient avec quelque chose qui se boit. Donc j'ai envoyé David chercher des verres à la chasse-galerie. Mais avant ça, je pense que l'alcool nous mène souvent au coconut motel. Donc voici la chanson du même nom par Françoise. Assemblage requis sur Cifou. En courant dans le chapelet le premier jour. C'était Françoise et Coconut Motel à Assemblage requis sur C'est fou. Maintenant, on a David Ferron qui est de retour de sa chasse au trésor pour aller chercher des verres. Oui, je suis revenu vivant. Il est mais revenu. Mais surtout assoiffé. Oh, mais encore le soir, voici une grosse pointe d'allresse. Ça t'a, bon, frappe ça t'a. On l'a, là. Oh yeah! Quels sont plaisants de frapper sur la table pendant l'intro d'une grosse pointe d'allresse, la chronique où on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en pharmacie, en épicerie, en dépanneur, quelque chose de malsain trouvé dans les rangées qu'on ne devrait pas fréquenter. Et David Ferron est avec nous aujourd'hui, étant donné que Tania n'est pas là. Salut! Salut! Bonjour à toi, et tu vas goûter avec moi aujourd'hui à quelque chose de comment dire, de délicieux, j'imagine, de pétillant. Oui. Tantôt, dans la chronique de Tania, on parlait de choses à boire, donc ça m'a donné l'idée de sortir ça de mon tiroir. Ça fait quand même quelques petites semaines que j'ai acheté ça. C'est d'ailleurs spécial dans un dépanneur local. Tu connais les liqueurs croches à l'orange? Oui. Tout le monde aime l'orangeade, je pense, la plupart des gens. Ah, moi, j'adore. C'était quand j'étais petit, je dis pas ça parce qu'on est en onde, mais c'est vrai, c'était ma liqueur préférée. Tu sais, en fait, ça dépassait le Coke, le Sprite. Oui. Ben, je trouve que c'est une liqueur d'occasion spéciale où quand tu veux te gâter, tu prends une liqueur orange. C'est une bonne liqueur de party d'enfant, des trucs comme ça. Mais bref, tu connais aussi le croche au raisin. Oui. Qui est encore plus spécial. C'est rare qu'on boit ça. Mais ça goûte bon. C'est très bon. Avec du Libanais. Il y a un restaurant libanais local qui a de la liqueur au raisin. Ah oui, ça c'est cool. Très bon. Aux fraises. Oh, ça, je suis pas familier avec ça. C'est quand même bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Croche? Il me semble qu'ils font du crème soda. Oui. Bon. Est-ce qu'ils font de la root beer? Non. Je crois pas. Mais ce que j'ai ici, ce sont deux produits spéciaux qui sont en édition limitée. Donc, saveur en édition limitée, limited time flavor. On a du croche à la lime. Oh! Et on a du croche au melon d'eau. OK. Je sais pas trop à quoi m'attendre. D'habitude, la saveur artificielle de melon d'eau me plaît. OK. D'habitude, j'aime ça. Ça goûte vraiment pas comme du vrai melon d'eau. OK, mais on pourrait mélanger les deux après. Ça ferait comme une espèce de mojito. Je vais voir si je pourrais avoir du thé à la menthe gelé de la chasse-galerie. Ce serait une excellente idée, je Attends. Pense. Ah, bon, David, tu prends le risque d'y aller tout de suite? Est-ce qu'on y va tout de suite? Est-ce que tu as une toune pour combler mon absence? Non, je vais combler l'absence moi-même. Oui, vas-y. T'es bon. Oui, on aime ça, remplir du temps, improviser comme ça, ça fait un petit défi à la radio. Hein? Donc, aujourd'hui, dans le bloc des nouvelles, on y va avec du Spotted, donc des affaires en rafale, ça tombe très très bien, ça nous donne exactement assez de temps. On commence au Canada, où Kellogg's sort des Fruit Loops au gâteau de fête. Moi, en tout cas, j'ai pas vu ça passer encore en magasin. L'article date du mois de mai, donc j'imagine que c'est déjà sorti. Bonne fête pour le Canada, donc c'est pour le 150e anniversaire de notre beau petit pays. Donc les Fruit Loops, birthday cake, flavor, tout est au gâteau de fête de nos jours, donc pourquoi pas les Fruit Loops. Aux États-Unis, on a Lay's qui sort une édition limitée. Justement, on parlait de lime, à la lime et au sel de mer. Ça a l'air délicieux. J'imagine ça avec, un petit bar de plage ou un bar de piscine. Des chips lime et sel de mer, ça irait très bien. Ensuite, toujours aux États-Unis, on a Reese's Crunchy Cookie Cups. Ça fait quelques fois que je vois passer ça sur Facebook. J'ai hâte de voir si on va l'avoir au Canada, si c'est pas déjà fait. Donc, ce sont des Reese's plus épais que d'habitude avec des morceaux croustillants à l'intérieur de biscuits. Donc, Crunchy Cookie Big Cup. Miam. Toujours aux États-Unis, on a Nestlé qui sort son édition limitée. La semaine passée, je me rappelle avoir parlé de plusieurs affaires qui étaient sucrées et ensuite épicées. Donc, c'est le même principe. Nestlé Butterfinger, édition limitée. C'est des Peanut Butter Cups Smoking Hot. Donc, saveur de beurre d'arachide, bien sûr. Et aussi, c'est des jalapenos. La saveur dans des Butterfinger. Vous connaissez les Butterfinger, c'est des petits carrés. Des fois, c'est en carré, des fois, c'est en barre. Très, très, très croustillant, très... sucré, floconneux un petit peu, je dirais. C'est quand même bon, Butterfinger. Ensuite de ça, on a les Bagel Bites, Bagel Dogs. Vous connaissez Bagel Bites, c'est comme les petites bouchées. Des fois, ils font des pizzas, des bagels déjeuner. Donc là, maintenant, il y a des Bagel Dogs. Donc, c'est des petites saucisses en robe de chambre de la compagnie Bagel Bites, fabriquées avec des saucisses Oscar Mayer, sans sirop de maïs, sans saveur artificielle, 100% tout bœuf pour les saucisses à l'intérieur. Donc, c'est encore une fois aux États-Unis. Ensuite, un autre Spotted, cette fois-ci, on parle de nouvelles versions améliorées des Alphabits. Tu sais, les Alphabits, céréales sous-estimées, c'est très très bon, mais on achète rarement de ça. En tout cas, il me semble que c'est un petit peu trop basic pour bien des gens, mais on a apparemment amélioré la recette des Alphabits, donc j'aimerais bien goûter à savoir qu'est-ce que ça donne comme nouvelle saveur. Sinon, des fois il y a d'autres trucs cachés dans le bas de l'article, non, je pense que c'était pas mal tout pour celui-là. Un autre Spotted, on a... Ce sont des Cheetos Puffs au cheddar blanc et au jalapeno. Ça a l'air très bon. Hein? Gold Peak, vous connaissez Gold Peak pour leur thé. Ils ont aussi du café glacé, café froid en fait. Donc c'est une boisson au café à saveur de caramel salé entre autres. Ça, je goûterai à ça n'importe quand. Toujours un autre spotted, toujours aux États-Unis. On a Pillsbury, vous les connaissez pour toute leur petite gâterie, leur petite pâtisserie. Ben les voilà avec Churro Bites. Vous connaissez les churros mexicains, petite pâtisserie sucrée à la cannelle. Donc c'est le même principe, mais version un petit peu bâtardisée là, par Pillsbury. On a toujours des drôles de saveurs de crème glacée. On a parlé tantôt de gâteaux de fête. Voilà que Perry's Ice Cream sort de la crème glacée au beurre de chocolat. Candy Bar. Donc, on parle de crème glacée au nougat avec une torsade de caramel salé, d'arachide et de bout de fudge. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils doivent préciser que c'est la barre de chocolat étant donné que ça ressemble à plein d'autres saveurs. Mais bon, j'imagine que si ça peut les faire se démarquer, pourquoi pas, hein? Vous connaissez les petits craquelins qu'on trempe dans du fromage? Tu sais, les petits Lunchables, des fois, on a des petites tranches de viande. Eh bien, Lens, une compagnie qui sort l'équivalent mais avec de la confiture Welch's, donc c'est les PB&J Toasty, des petits craquelins, des sandwich craquelins avec de la confiture à au raisin. Ensuite de ça, on a David est de retour en passant, s'il veut commenter. T'as sûrement vu passer peut-être aux États-Unis la collection de ketchup Heinz version Pitmaster, donc t'as le Kansas City Sweet and Spicy. T'as la sauce barbecue du Kentucky, la sauce barbecue de la Caroline et la sauce barbecue d'Hawaï, sucrée et fumée. Ça a l'air délicieux, ça. Aux ananas, non, il n'y a pas version ananas et jambon. Pas d'ananas et jambon. Si tu pourrais inventer ça, ça pourrait faire un succès. Hershey's Kisses, saveur d'Hawaï, aux amandes et à la noix de coco. C'est donc bien à mode, Hawaï. C'est vrai, hein, j'avoue. On peut arrêter ici, étant donné que David est de retour avec... il y avait ses verres tantôt, là, t'es allé chercher du thé. À la menthe. À la menthe. Puis là, j'ai mis de la glace pour que ça soit frais, justement. Pour faire des mojitos avec ce qu'on va goûter aujourd'hui. Virgin mojito, on va essayer ça. C'est sûr que là, on a la lime, on a le thé à la menthe. C'est sûr qu'on n'a pas le vodka parce qu'on n'est pas d'alcool, mais on va essayer. On va essayer. On va commencer par les essayer straight, sans le thé, bien sûr. Donc, je te donne les deux canettes qui ne sont pas encore ouvertes, David. Donc, je te prête encore une fois le croche au melon d'eau ainsi que le croche à la lime. Deux boissons gazeuses en édition limitée de la part de Crush. Et on a des verres vierges avec rien dedans. C'est ceux-là. Pour commencer, David est devant le micro magique et il va pouvoir nous verser ça. Lequel tu veux que je verse en premier? Vas-y, comme ça te tente, là. Celui qui t'attire l'œil. Mettons le melon d'eau parce qu'il m'intrigue beaucoup trop. Le melon d'eau est rose, zone campus, si on veut. Ça t'attire, j'imagine. Ouais, exactement. Rose pamplemousse. Rose pamplemousse. Et non saumon. C'est ça. Ouvre-nous ça dans le micro magique, s'il te plaît, David. Ils sont en température pièce, mais je crois qu'ils sont froids au toucher, donc ça va quand même bien. Ça a l'air de pétiller sur un temps, ça. Attendez. La nature nous parle. Bla, bla, bla. L'appel de la nature. Bon, d'accord. Non, c'est assez versé, David. Il veut vider la canette, je pense. Laisse-nous-en pour après l'émission. Christ, diabète. Et voilà, diabète Midler. Bon, donc, David nous a versé ses deux verres. J'ai dit d'amener des pailles aussi pour, je pense, que ça va aider un petit peu à faire rentrer ça comme faut. Pour pas que je fasse le dégât. Il y a ça. Quand tu renverses un verre avec un couvercle, d'habitude, ça fonctionne bien. David est en train de s'écrire quelque chose sur le verre. Un peu comme chez Starbucks, je pense qu'il va écrire mon nom. Faut que tu fasses avec des fautes, hein. Faut que tu mettes 3H, 2T, 1X à la fin. Ouais, attends, je vais penser à un nom, mais version assez spécifique de ton nom. Voilà. David qui vient me transférer le crush au melon d'eau. T'as fermé les couvercles, mais je vais quand même prendre l'odeur un peu. Ouais. Juste pour le fun. Ça sent le melon d'eau chimique. Ah ouais, pas mal. Exactement comme si t'attendrais d'un jujube, mettons. Ouais, j'ai des appréhensions par rapport à ça. Ouais, ça risque d'être vraiment sucré. Ouais. Peut-être qu'on va se tanner après une gorgée. On y va? On va essayer. Oh. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais pantoute. Ça goûte un petit peu comme la liqueur aux fraises, mais un petit peu... c'est vraiment très sucré. Hein. Une fois que ça rentre dans la gorge, c'est sucré. Il y avait une émission qui s'appelait sucré-salé. Sucré-salé, on va être dans le temps. Hein? Ça va s'appeler sacré-sucré. Sacré-sucré, j'aime ça. Non, c'est sucré, on se tannerait vite, mais j'haïs pas ça. C'est rafraîchissant, ça serait encore meilleur si c'était vraiment froid. Là. Mais c'est bien pareil. Mais c'est vraiment très, très bubblegum, là. Barbapapa. Ouais. Ben, c'est un très bon point que tu amènes là parce que je pense que ça goûte plus la barbe à papa que le melon d'eau chimique qu'on est habitué de goûter dans les jujubes. Je m'attendais à une saveur précise et c'est pas ce que j'ai eu. Mais il y a un petit côté melon d'eau quand même. Ouais, mais pas le même. Je m'attendais vraiment au même goût. Je suis un peu déçu pour ça. Je sais pas quoi dire, honnêtement. C'est vraiment novelty. C'est une saveur qui va passer comme ça dans notre vie et qu'on s'en rappellera peut-être même plus dans le futur. Ça serait le genre de truc, je sais pas. Dans quel genre de référence culturelle on pourrait mettre ce crush au watermelon? Je sais pas, dans quelle situation tu goûterais ça autre que juste pour essayer le fait que c'est nouveau? Je vois pas de situation où tu dirais hey, j'ai envie d'une crush au melon. Si je t'habillais tout en rose, ouais. Avec les cheveux verts fluo, en train de faire le kangourou partout, puis j'aurais des licornes avec qui je promènerais. Là, ce serait l'occasion idéale. C'est ça, exactement. Mais ce serait parfait pour faire des drinks, comme on va peut-être le tester tout à l'heure. Ce serait une bonne idée. Mais pour l'instant, je pense qu'on devrait s'ouvrir notre canette de lime. Après ça, on fera des mix, c'est bon? David vient de se gober les dernières gorgées. Ouais, parce que j'ai encore... qu'on réutilise les verres. C'est beaucoup trop sucré pour être bu rapidement. C'est vraiment pas bon, même, bu rapidement. On dirait... Je sais pas. J'en ai trop mis, je pense. Ouais, on parle souvent de... Ouais, t'en as vraiment beaucoup trop. Ah, ok, non. Je vais dire que je mets mon pouce en bas, parce qu'une fois que t'en as bu beaucoup et que ça passe dans la gorge, c'est même dégueulasse. Ouais. C'est pas bon comme fond. C'est trop. La fin de la chose est vraiment dégueulasse. Je vais finir, là, mais... C'est trop. Mm. Tu sais, quand quelqu'un commence... T'en as beaucoup trop mis, David. Tu es capable de boire. Lâche pas. Ouvre-nous la canette de lime pendant que je finis. Ouais, avec des petits bruits magiques. Mm-hmm. La, la, la. Ah, yark, le goût. Le petit rot à la fin, quand tu fais un petit rot de ça, ouais. Là, c'est dégueu. Ça a été drôle, un petit rot dans le micro magique. J'avoue. Est-ce que je suis capable d'en faire un? Non, je suis pas capable. T'es pas sur commande, non? Non. Je suis pas un rot magique. Ouvre-nous ça. C'est trop le fun de parler avec une voix cochonne. Le micro magique, c'est trop le fun. PS Torres. Oui. Je t'aimerai toujours comme tu es. Oh, mon âme est perdue. Dans tes yeux, dans tes yeux, sème l'écume du regret. La la la la. Donc la, j'en retiens que l'improvisation musicale n'est pas le forté de David Ferron. La la la. C'est fer fluo. Ça a l'air dégueulasse aussi pour vrai. Cerveau de bloc. C'est du formol, c'est du formol pour garder un cerveau en vie. Mais pour vrai, David, on goûte au croche. Ok, j'en reviens pas. À la lime, t'en as mis moins dans le verre ce coup-ci. C'est comme too much. En passant, c'était 3 pour 3$ au dépanneur local, okay. Si je me rappelle bien. Attends, voilà. C'est traumatisant. Verre fluo, là, tu l'as vraiment dit, c'est radioactif. Là. Je sais pas, on dirait du lave-vite. J'ai peur que dans le verre, à un moment donné, il y ait des pissons et que ça dit allô. Genre que quelqu'un reviendra à la vie à cause du format, là. Ouais, exactement. L'odeur en premier, proche à la lime. OK. Ça sent meilleur que l'autre. Ça sent la lime, là, dans ce cas-là. Ça sent la vraie lime, non? Ouais, je trouve. Ouais, naturel, quand même. Mais sans le côté acide. Sans le côté acide. C'est très sucré. On goûte, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de mélange avec le melon d'eau au fond. Hein. C'est vraiment meilleur que l'autre. Ouais. Ah, ça, c'est bon. C'est... Hey, sérieusement, ça pétille encore sur ma langue. Ouais, et je trouve que l'idée est vraiment bonne d'avoir une liqueur à la lime en permanence. Moi, je pense que je la garderais, celle-là. Ouais, c'est mieux, mais pas trop. Mettons, juste des petits soupçons. Mettons que t'aurais une eau minérale, ouais, à la lime. Mm-hmm. Ben, peu importe, l'eau minérale. Puis là, tu t'en verserais un tout petit peu, mais pas la canette au complet. Dans mais juste une eau minérale. OK, oui, juste pour donner un petit goût sucré, mais c'est pas vrai. Trop. Ben, tu sais, moi, j'aime bien les limonades en liqueur, les limonades pétillantes, fresca, ce genre de choses-là. Ouais. Donc, je trouve que ça va bien avec un fresca. Ah, peut-être aussi. Ouais. Bref, j'aime bien celle-là, même que je l'aime beaucoup. Mais ça, pas comme principale boisson, mais comme juste pour donner une petite saveur, ouais. Et un petit kick. Je trouve que les cannes, présentement, c'est des canettes, les grandes canettes, méga format king, ouais, size. Je boirais probablement pas une canette au complet. Ah non. J'irais avec une petite canette format normal. Je sais pas si ça existe, j'en ai pas vu. Mais moi, je donne un pouce en bas pour le melon d'eau, croche, et le croche à la lime, pouce en l'air. Toi? Je sais pas. Est-ce que tu mets les deux en bas? J'aime ça, mais je te dirais que juste comme essence. OK. Pousse en l'air comme essence. Le melon d'eau, c'est un guilty pleasure. Oui, c'est ça. Mais il faudrait que j'aille manger beaucoup de bonbons puis que je sois dans un univers féerique pour manger ça. Ouais. Pour moi, c'est fait dans un univers où le plancher, c'est du barbe à papa. Puis que... C'est comme ça les grenelles, ton monde. Oui, exactement. Ouais. Puis que les maisons, dans le fond, la fumée de cheminée, dans le fond, c'est de la crème fouettée. Ah! Et si je peux faire une autre recommandation de ne pas roter celui au melon d'eau. C'est dégueulasse. Hein? On se l'est dit, ça? On se l'est dit. On rote pas. Maintenant, on va faire des petits drinks un petit peu, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux mélanger le thé glacé? Pas le thé glacé, le thé à la lime avec le croche à la lime, c'est ça que tu veux faire? En fait, le croche à la lime avec le thé à la menthe. OK. Un petit peu peut-être de melon, mais non, on va juste essayer. Ben, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? On l'essaie, j'aime ça. Donc, David vient de vider son verre encore une fois, mais ça, c'est plus facile de finir le croche à la lime que de finir le melon d'eau, ça. Ouais, hein, fait que lime et thé à la menthe, c'est thé ça? Thé à la menthe, oui, on verse. On remercie la Chasse-Galerie d'ailleurs. Toujours, ils sont vraiment là pour nous. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop de... Je vais essayer c'est de... Proche, hein? Ben, c'est ça. Fait que là... J'ai essayé de faire moitié-moitié. Je sais pas quelle proportion qui serait idéale. Là, dans le verre, t'as pris un verre vierge. T'as mis de la liqueur à la lime jusqu'à la moitié, j'imagine, environ. Et là, tu verses le thé chaud par-dessus. Le thé froid. Thé froid. Ah, il est froid. Ben oui. T'as mis de la glace. Oh, oui. Mais là, la glace a tout... Tout fondu depuis tantôt. Oui, fait que je vais prendre ton verre, Mathieu, s'il te plaît. Oui, j'arrive. J'ai essayé de voir, est-ce qu'il est vide? Je pense que tu l'as vraiment aimé, je pense. La lime, oui, pour vrai, ça risque d'être un achat que je vais refaire. Hey, j'essaie quand même, mettre juste une petite soupçon de melon d'eau. Ah, pourquoi juste, pas? Ben oui. Tant qu'à expérimenter. Ben oui. On est là au service du peuple. Mais juste un tout petit peu, parce qu'il goûte quand même assez. Mm-hmm. Fait que je vais respecter les mêmes proportions, évidemment. Oui, il faut qu'on soit quand même sur la même longueur d'onde. Ben oui. Je vais essayer de vous dire à peu près les proportions. C'est moitié-moitié, okay, avec un petit peu de melon d'eau. Okay. Le mélange de couleurs entre vert fluo et rose fluo, plus le thé jaune, je me demande, ça va faire du brun? Ça? Mais c'est ça, c'est thé à la menthe. Thé à la menthe, comme c'est un juste... mojito, dans le fond. Ouais. Mais un virgin mojito. Mm-hmm. Mais je sais pas si j'ai une bonne idée ou pas. On va bientôt le savoir. Ce que je sais, c'est que ça fait de l'excellente radio visuelle. Oui! Mais la couleur, c'est vraiment dégueulasse. OK, ça donne quoi? Ça donne... Ben, c'est pas spé, mais c'est comme vraiment du coke dilué. OK. Donc, un genre de brun noir. Oui, exactement. Comme quand tu mélanges différentes sortes de slush ensemble. Oui, t'as tout compris, Mathieu. Wow. Il a pris quand même un grand thé glacé là, avec sa glace. Oui, pour pouvoir... C'est ça que ça soit assez frais, là. Oui. Puis le thé à la menthe, je l'ai pas trop infusé pour pas que le côté amer ressorte trop. Là. Bonne idée. Le gars est consciencieux. Mais j'en fais souvent du thé glacé. Ah oui? Je fais souvent des mélanges. Ah. En fait, mettons thé robia, c'est avec, mettons, grenadine, des trucs comme ça. Là. J'aime ça. Je suis un peu fucké. Non, c'est une très bonne idée. Me voilà bien équipé de mon côté, toi aussi. Oui, j'appréhende. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de bon, si j'ai mis trop de trucs. L'odeur? Ça sent pas mal plus le thé que le reste. Ouais, OK. À moins okay. que je te verse un petit peu de... Non, c'est parfait. Non. Je pense que le thé, c'est parce que ça sent plus. Oh, ouais. On goûte? Pas mauvais. Même, c'est pas mal bon. Ah ouais? Ouais. Peut-être un petit peu plus de lime. Ah, oh, attends. Je vais... Ça va prendre trop de temps. Mais en tant que tel, non, je trouve ça bon. C'est une bonne idée. Je referais ça, même que peut-être que je les ferais en glaçon après, oh, pour ouais. pouvoir les mettre après ça dans d'autres choses. Ben oui. C'est pas pire, ça. Ben en smoothie, mettons. Ben en sludge. Ouais, ben oui, pourquoi pas. Ben ça pourrait être une bonne sludge. Non, c'est réussi. Je donne mon pouce en l'air à ta recette, ben, David. Merci. Absolument. Puis, en fait, j'ai mis un petit peu de melon, mais juste un tout petit peu, juste pour donner un petit kick sucré. Un petit quelque chose en plus. Puis même que si vous voulez être encore plus aventureux, là, des fraises. Ah oui, et de l'alcool. Ouais, du vodka aussi. Puis sinon, le vodka peut être remplacé par du jus de pomme, mais ça, on le conseille pas à Tania. Non, parce que Tania est allergique aux pommes. Ouais, c'est triste. Elle pourra pas jouer Blanche-Neige. Triste. Voilà pour ça. On va retourner à nos nouvelles un petit peu, David. Tu peux réagir quand t'en as envie. On est aux États-Unis. Ah! Je suis indigné. Il m'a fait faire c'est le saut. Non. Il m'a fait faire le saut. Mike et Nike. Tu connais les petits jujubes Mike et Nike? C'est comme des petits jujubes en genre de cylindre, si on veut. Des petites pilules, presque. À saveur de Sunday Sweets. Donc, Sunday. Donc, banane, cerise, crème fouettée. Ça pourrait être bon, bien aimé. Caramel aussi. Tu cherchais des ananas tantôt. T'as ananas en D. Oh. Plein de trucs comme ça, donc chez Mike & Nike aux États-Unis. Ensuite, on a la compagnie Thomas, toujours aux États-Unis, qui sort une édition limitée de ses bagels. Bagels aux bananes et brisures de chocolat. Mm. Bagel. Excellent, ça. Il y a une compagnie qui a sorti du pain avec des saveurs comme ça, genre pain au chocolat. Je crois que c'est Gadois au Québec. Ah, c'est cool. Qui est disponible en ce moment. Ah, c'est bien fun. Il me semble que c'est ça. Ah. Toujours aux États-Unis, Mountain Dew SC, c'était pour la fête du 4 juillet, bien sûr. Donc, trois saveurs qui se mélangent ensemble. On parle de Code Red, de Whiteout et de Voltage. Les trois mélangés ensemble. Donc, un peu comme tu viens de faire avec tes différentes saveurs de liqueur, mais en vente, en magasin, imagine. Trois saveurs de Mountain Dew ensemble, individuellement, sont difficiles à avaler. Mais les trois ensemble. C'est quoi cette sorte-là? Est-ce que ça évoque une saveur précise ou c'est vraiment une sorte originale? Ben, c'est la saveur rouge, la saveur blanche et la saveur mauve. Ah, okay. C'est des saveurs qui avaient été gagnantes ou participantes dans des concours Doomocracy où les gens pouvaient voter pour leur saveur préférée. Okay. Donc, ils ont mélangé trois ensemble. Ensuite, un autre spotted pour un temps limité, c'est des Tostitos Cantina Sopapilla Cinnamon Sugar Tortilla Chips. Donc, on parle de Tostitos Cantina, donc très mince. Sopapilla, c'est un mélange de cannelle et de sucre. Donc, des Tostitos, cannelle et sucre. C'est génial, fantastique. Je trouve que c'est excellent. Trempé dans le chocolat. Miam. Ça, c'est mon genre de truc. Toujours dans les Spotted, Rockstar qui sort sa boisson énergie, d'énergie. Boisson énergétique. Énergisante. Ouais. À la fraise, mais biologique. Rockstar biologique, oui. Rockstar, la compagnie de boissons comme ça qui sort des produits bio. Pourquoi pas? C'est un genre. Ensuite, les Doritos Heat Wave Tortilla Chips. T'as sûrement déjà vu les Doritos Heat Wave où t'as une saveur en premier qui après ça se transforme en une autre saveur. On a déjà goûté à ça en nom. Oui, c'est vrai. Ça commence, mettons, barbecue, ça finit super piquante. Ben, t'en as d'autres. T'en as maintenant à la crème chipotle qui devient piquant. Donc, pourquoi s'en priver? Miam, miam. Croustille de maïs, comme toujours, Doritos, sucré et ensuite piquante. Ah. Spotted sur le popcorn édition limitée, Pop Fetti. Donc, c'est du Pop Secret avec des sprinkles rouges et bleus dessus en édition limitée, encore une fois, pour la fête américaine le mois passé. C'est bien le fun des États-Unis au niveau gastronomique, en matière de gastronomie. Il n'y a rien qui marche ici, fait qu'on retire tout le temps les nouveautés. Ça ne durera pas, là, le crush au ballon d'eau? Peut-être, si on fait de la bonne pub et que Croche nous dit on voudrait tellement que vous perpétuez la mémoire du Croche melon d'eau. Qu'on soit les porte-parole. Ouais. On vient aux boissons énergisantes. Monster Hydro Energy Water. Donc, c'est Monster comme Monster Energy qui sort de l'eau qui est supposément énergisante. Hein? Mm-hmm. Pourquoi pas? Monster, dans la section donc des boissons sportives, de l'eau améliorée, comme dans Vitamin Water, un petit peu, c'est le cas donc de Monster. C'est le marché qu'ils essaient de pénétrer. On parle souvent de Pop-Tarts dans cette chronique. Il y a maintenant une édition limitée de Pop-Tarts à saveur de Jolly Rancher. Je sais même pas c'est quoi ça. C'est des petits bonbons qui font vraiment mal aux dents, sont comme transparents, super surettes. Ah oui, qui explosent dans la bouche. Ils explosent parce que quand tu le croques, ça fait mal, fait que ça explose tes dents si tu manges trop rapidement. Mais je pense qu'ils sont comme. Des fois, il y en a des mous que tu peux comme. Okay. Ah, c'est difficile à manger. Mais bref, Jolly Rancher au melon d'eau, donc c'est des Pop-Tarts au melon d'eau avec un petit givrage. À l'intérieur, c'est au melon d'eau et à l'extérieur, c'est vert avec un petit. Petit filet de rose. Ah ouais. Ils ont copié nos couleurs thématiques. D'aujourd'hui avec Crush à la lime et au melon d'eau, absolument. T'en as aussi à la cerise et à la pomme verte, donc Pop-Tarts au Jolly Rancher. Ensuite, Nestlé Sweet and Salty Raisinets Snack Mix. On a tout plein dans les magasins, des petits mélanges de différents chocolats, bonbons, bretzel, peu importe. Donc, Raisinets, tu connais les Raisinets, c'est les raisins secs. Oui. Voilà. Donc, Raisinets de Nestlé. C'est des raisins de la Californie, raisins secs couverts de chocolat, accompagnés de morceaux de déchiquetage de noix de coco, d'arachide et des petites raisinettes au chocolat au lait. Donc les trois ensemble, ça fait un bon petit mix. Encore une fois aux États-Unis, ça je mangerais ça n'importe quand. Wow. C'est comme un mélange de randonneur. Okay. Pimpé. Toujours aux États-Unis, on revient aux boissons énergisantes. Rockstar Mixed Mojito Energy Drink. Un peu comme toi, t'as essayé de faire du mojito tantôt avec nos... Ben, Virgin Mojito, mais c'est juste pas que les ingrédients manquent. Mettons, j'ai pas, il manque des petits trucs. Mais c'est sûr que l'immense, c'est un bon début. On a une bonne base, dont je viens de prendre une autre gorgée. Ah. Donc, c'est Rockstar Mojito. Donc, à savoir, j'imagine, de menthe et de je sais pas trop quoi d'autre, parce que c'est pas vraiment écrit dessus. Mais il y a surtout de la menthe et de la lime d'afficher dessus. Et c'est chez AMPM aux États-Unis. Ensuite, on va au Canada avec des trucs congelés. Lesquels c'était... Ah oui, tiens. Turtles. Tu connais les crèmes glacées Turtles? Ah oui, c'est tellement bon. Ils ont sorti Turtles à la noix de coco grillée. Oh que oui. Ça, okay, ça a l'air génial. Je ne m'en peux plus. J'en veux. Oh. Sinon, je fais le bacon. Ensuite, aux États-Unis, on a du... Ah, tu sais, la mode du sriracha il y a quelques années. On a maintenant un assaisonnement au poivre noir et sriracha par la compagnie McCormick, qui sont ceux qui fabriquent du poivre. Habituellement, ça doit faire, ouais, ça doit faire mal. Ils ont aussi une version poivre noir à la sauce Worcestershire. Ils ont du poivre noir au chipotle aussi. Ça en fait des sortes, hein? Perrier. On a déjà vu Perrier à la lime, Perrier à l'orange, mm-hmm. qui est pas super bon, qui goûte pas grand-chose, Perrier au citron, ouais. Et là, il y a Perrier à la fraise. Ah ouais? Ben ouais, je ne savais pas ça. J'espère que ça goûte pas l'espèce de fraisinette. Ouais, hein? J'avoue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah tiens, les pogos, c'est le fun, les pogos? Oui. Ben, voici une version pour déjeuner, c'est par la compagnie Foster Farm. C'est chicken sausage and pancake on a stick, donc crêpe, qui entoure une saucisse de poulet, tout ça sur un bâton. Ah, c'est... Tu sais, quand c'est sur un bâton. C'est tellement simple. C'est tellement américain, hein? Ouais. Une saucisse au poulet enveloppée. Est-ce que j'en reviens pas du concept? Ah, c'est génial. Regarde ça en plus, comment ça a l'air bon, ouais, là, à l'écran. C'est incroyable. Ok, c'est une crêpe. Ok, c'est comme un pogo normal. C'est comme un pogo, mais c'est une crêpe avec une saucisse au poulet dedans. Ok. C'est malade. J'en reviens pas encore. C'est n'importe quoi. Et ensuite, tiens, les popsicles, tu dis, bon, c'est pas assez santé. On a besoin d'une recette un petit peu plus santé. Donc, voici les popsicles qui s'appellent Simply Popsicle. Donc, des couleurs et des saveurs qui viennent de sources naturelles. C'est fait avec du vrai sucre de canne. Il y en a de différentes saveurs. Comme ici, on a fraise, banane et mangue, ainsi que baie et ananas. Donc c'est une version plus comment dire, un petit peu plus santé là, 40 calories par pops. Il y en a 18 dans un paquet. Faut jamais se fier au nombre de calories. Vous savez qu'un verre de jus d'orange est plus calorifique qu'un Oui, il y a des bonnes calories et des mauvaises calories. Celui-là, 0 g de gras trans, 0 g de sucre et 9 0 mg de sodium et 9 g de sucre. C'est écrit petit, mais c'est ce que ça dit. Mais ce sucre de canne, c'est un peu moins pire. C'est sûr que tu prends pas ça à cuillerée ou tu t'ajoutes pas ça dans les veines, mais c'est moins pire. Modération. Oui. Voilà. C'est tout pour une grosse méthode d'adresse. On a fait vraiment beaucoup aujourd'hui. On a clenché du Spotted une fois de temps en temps. C'est le fun à faire. Oui. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 11-17. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission d'aujourd'hui, David. Ça a passé vite ensemble. Oh, je sais, on a tellement eu de plaisir. Oui. Merci d'être venu, David. Ben, merci de m'avoir invité. Merci pour la recette de Mojito Virgin. Ben, ça fait plaisir. Merci aussi à Tania qui a passé le deux tiers de l'émission avec nous. Elle va être de retour la semaine prochaine sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Ce jeudi, pour les gens qui nous écoutent en direct. À 17h, ce sera la rediffusion de Rock Révélé. Ensuite, on repasse les samedis, entre midi et 15h, après nous, une rediffusion d'En Piste avec Talia Baudin, d'il y a quand même avant le Grand Prix, là, ça commence à dater, mais elle n'a pas fait d'émission cette semaine, que voulez-vous. On repasse finalement les mercredis entre 11h et 14h. Tania devrait être là en direct après l'émission, et moi, je vais être là à 15h. Là, ça va être moi en reprise pour le Mathieu Planchot. Mon autre job ne me permet pas vraiment d'animer. Tu es tout le temps partout quand même, t'es quand même bien présent. Je remplis les cases qui me sont allouées avec grand bonheur et plaisir. On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine. On va enfin se terminer ça avec une dernière petite pièce. On s'en va du côté anglophone pour aller entendre. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie d'entendre cette fois-ci. On dirait que j'ai tout entendu on déjà. On va vérifier. Ouais. Hey, peut-être qu'on peut écouter les Yodelers. Ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Ah oui, les Yodelers. Rappelle-moi le nom de ça. Oui, Yodelit. Yodelit. Ouais. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci, David. Bienvenue. À la prochaine. C'est comme un petit étape. Ilinka et Alex Floria? Oui. Yes. Hey, all you out there, wanna sing this out? Yodelé, yodelé, yo. Sing it! Yodelé, yodelé, yo. That makes you glow. You always run away. You always say no to the right things. Don't try to hide the light inside of you. Today might be the day when you make it, baby. So bring it on, I'm a dreamer. you never try, you'll never be alive. You are gonna miss out on this ride. So confused of doing all this work you really don't want to be doing, but you'll be fine. It's time to feel alive. The stop for reaching for the stars and keep on moving. So bring it on, I'm a dreamer. If you don't believe it, come and see me, I'll teach you. If you never try, you'll never be alive. You are gonna miss out on this ride. Come on, sing along, come on, sing this.